Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 17. Je procède au rappel traditionnel. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Vous pouvez également procéder à des dons pour soutenir ce que nous faisons, exclusivement en crypto-monnaie. Les autres moyens de paiement ne sont pas disponibles. Nous acceptons les bitcoins, Ethereum et aussi Monero. Voilà, les trois crypto-monnaies qu'on accepte. Tout est expliqué sur le site. Vous pouvez donc nous faire parvenir votre aide si vous le souhaitez, bien évidemment. Je vais maintenant procéder à la présentation de nos membres participants cette semaine. Je vais commencer sans transition aucune avec Pierrot. Salut Pierrot. Salut Gandalf, salut tout le monde. Magdav est aussi avec nous cette semaine. Salut Magdav. Salut les amis. Salut Hopman. Salut Gandalf, salut tous et salut à nos amis de Guingamp. En avant les nègres. Astérix fait son retour dans l'émission. Plus clivant que jamais, Astérix. Question. On va essayer, bon, moi j'ai envie de dire en avant Guingamp, puis en avant les Rennais aussi, hein. Nos amis nègres de Rennes ont fait une très très belle performance en faisant chialer Pinot hier. Ils ont réussi à faire chialer le vieux crocodile Pinot, quoi. Alors, la Bretagne, ça vous gagne. Ouais, bah j'allais le dire, ouais. Comment dire, brièvement peut-être Astérix tu trouves justifié cette victoire de Rennes ou bien tu trouves que le PSG a pas eu de chance ou qu'est-ce que... Ah bah c'est clairement un manque de chance du PSG, mais après moi je suis assez content quand même que... Bon, c'est en France de toute façon le PSG est répugnant parce qu'il est tenu par le Qatar, sinon au niveau des joueurs c'est quand même l'effectif le moins nègre. Bah c'est logique puisque c'est l'effectif de qualité supérieure. Mais chez les Rennais, pour un club français, pour un club à faible moyen, ils se laissent pas aller à une négrophilie trop exacerbée, quoi. Disons que par rapport à Guingamp, par exemple, où là c'est une usine à nègre, quoi. Ça n'a rien à voir. Rennes se tient bien, quoi. Donc je suis assez content. C'est un bon petit club avec des bons gars. Le coach, c'est un jeune blanc de 35 ans. Enfin bref. Voilà, quelques blancs dans l'histoire quand même, quoi. D'accord. Fulbert est avec nous aussi cette semaine. Salut Fulbert. Bonjour Blondard, bonjour à tous. Et enfin, notre négrologue officiel, tenant de la chaire de négrologie à Paris. C'est à la Sorbonne, je crois, que tu as ta chaire en négrologie, chère Derrick. J'ai transformé, si tu veux, j'ai évolué de la négrologie à la négrolatrie. Hein. L'éther nègre est mon berger, je ne manquerai de rien. D'accord, bon. Donc tu es évêque, alors maintenant, de l'église de négrologie, si j'ai exactement bien compris. Formidable. Alors, mes amis, je vous propose une émission qui n'aura pas dans la deuxième partie de thème central, à vrai dire. Enfin, il n'y aura pas vraiment un thème, ce sera toute une petite série de points d'actualité qu'on va discuter. Donc ça va être assez jovial, je pense, cette semaine. Est très très marqué par la négrophobie la plus sombre, la plus épaisse, la plus brutale, primaire, sans aucune nuance, pratiquement vraiment une grosse tranche de haine de nègre pour nos auditeurs cette semaine. Ce sera peut-être le fil conducteur. Alors, je vais commencer par notre première rubrique, courrier de lecteur. On en a deux cette semaine. Je remercie d'ailleurs les gens qui nous écrivent, qui nous font part de leur vécu, de leur expérience quotidienne, et je les invite à poursuivre, à nous faire parvenir leur témoignage personnel. Hein. Ça ajoute à l'émission. Alors, bonjour à toute l'équipe de Démocratie Participative. Je suis un étudiant âgé de 20 ans et réside depuis 2 ans pour mes études universitaires dans une ville du sud de la France connue pour ses charmants communistes espagnols. Il semble que ces derniers temps, les courriers des lecteurs soient véritablement en vogue. C'est pourquoi il m'est venu à l'esprit que je pourrais tenter d'apporter ma pierre à l'édifice. Très bonne disposition d'esprit. Je viens d'une famille française assez banale. Père et mère, tous deux blancs, boomers et assez apolitiques en ce qui concerne les partis, mais fermement accrochés à leur nègre et autres parasites. Et entièrement soumis à la religion de la Shoah. Les seuls avis politiques que j'ai pu entendre durant ma jeunesse furent que Sarkozy et Balkany étaient des ordures. Aurez-vous reconnu le point commun parfaitement fortuit entre ces deux personnes ? Nous pose comme question notre auditeur. Bien que ma mère ne dispose pas de plus que l'intelligence moyenne de la boumeuse ménagère voulant jouer à la femme libérée, mon père est lui un modèle dans la plupart des domaines. Travailleur, intelligent, bricoleur, brave et surtout extrêmement porté sur la science. Cet attrait pour la science m'a rapidement touché et je l'ai donc appliqué comme j'avais vu mon père le faire, mais ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est qu'il y avait certains domaines où mon père quittait la science pour la religion, lui qui est pourtant le goy le plus anti-catholique que j'ai pu observer de ma vie. Ayant été élevé dans les valeurs républicaines à l'école et n'ayant pas été particulièrement confronté à des arabes ou à des nègres durant ma scolarité, je vivais dans un environnement théoriquement apolitique, mais bien enjuvé comme il se doit, où l'on ne peut dire du mal que des catégories approuvées pour la haine en société, comme les zadistes ou les cyclistes. Il est également intéressant de noter que mon père est parfaitement d'accord avec les propos de Luc Ferry, selon lequel il faudrait tirer à balles réelles sur les gilets jaunes, et cela dès le début. À partir de mes 15 ans, cependant, j'ai décidé d'étendre le raisonnement scientifique à des domaines tenant plus de la société et de la politique. En ayant marre d'entendre des avis prémâchés, sans aucune source, et pour cela, j'ai commencé pour regarder pourquoi Zemmour était autant qualifié de facho-extrémiste par ma famille et les médias en général, et j'ai analysé son discours ainsi que les réactions de ceux qu'il contestait. J'ai pu voir d'un côté quelqu'un qui expliquait calmement son point de vue, en utilisant des données factuelles, et tentait d'avoir un véritable débat, et de l'autre, des réactions hystériques cherchant à censurer le débat. Si seulement j'avais su à l'époque que cela était le mode opératoire par défaut de tous les gauchistes et leurs alliés, de hurler et menacer pour empêcher toute liberté d'expression. J'ai également pu profiter de la liberté d'Internet pour observer des avis n'allant pas dans le sens du système, comme sur le blabla du 18-25 du forum JVC pré-censure féministe. On remerciera Nadia Dame. Cette liberté d'Internet m'a également permis de constater à quel point le décalage entre le peuple et le système était grand. Un des meilleurs exemples étant, selon moi, l'émission « On n'est pas forcément d'accord » sur RTL avec à nouveau Éric Zemmour, et où pourtant la quasi-totalité des commentaires étaient parfaitement d'accord avec lui, contrairement aux chroniqueurs de l'émission. Alors là, je pense qu'il fait mention des gens qui téléphonent à l'émission pour faire part de leur opinion, quoi. Nous sommes en 2017, je suis alors en terminale, et l'anniversaire de mes 18 ans arrivera pile au bon moment pour que je puisse voter à l'élection présidentielle. Étant encore assez jeune et croyant que tous les partis politiques n'étaient pas pourris, j'ai voté pour Marine Le Pen, bien que cela ne fût en réalité qu'un doigt d'honneur adressé à Macron, ce gars qui racontait qu'on pouvait être un islamiste et un type bien à la fois. Quelques temps plus tard, vers septembre 2017, si mes souvenirs sont bons, je découvre pour la première fois du contenu venant de Démocratie Participative, une image représentant une fille d'animée en colère, avec le texte suivant « Marre des bougnoules et des nègres ». Ainsi qu'une référence vers le site. Au départ choqué par une telle violence et une telle liberté des propos, je me suis tout de même raccroché à la mentalité scientifique que j'ai acquise au cours du temps, et n'ait pas refermé la porte. Je suis allé voir ce que disait le site de Nazi. Après tout, j'étais garanti d'au moins bien me voir. Je me suis en effet bien amusé à découvrir à quel point vous vous lâchiez et disiez ce que vous aviez sur le cœur. Mais j'analysais en même temps si les faits que vous décriviez étaient justes, et au bout de quelques semaines, puis de quelques mois, je me suis progressivement rendu compte d'une chose. Cette bande de nazis haineux disait vrai. Leur article était sourcé, leur analyse réfléchie, et ils n'appelaient en aucun cas la violence, désignant simplement des faits et n'utilisant pas de termes dérogatoires comme « jeune » pour un arabe ou « radicalisé » pour un bougnoul islamiste. Dans le même temps, j'arrive à Toulouse, pour mes études, et j'ai pu constater par moi-même bon nombre de faits cités par DP. Alors là, il en cite quelques-uns, je crois. Quiconque prétend que le grand remplacement n'existe pas, soit ment, soit n'a jamais foutu les pieds dans une grande ville. Les bougnoules sont sales, hurlent, et à peine 10 ans, sont capables de lancer avec haine à d'autres gosses en plein milieu du métro « Je vais te niquer, je vais te saigner !» Tout cela en portant un survêt Adidas. Les LGBT ne cachent pas leur dégénérescence en public, et en sont même fiers, pareil pour les cheveux bleus et autres social justice warriors. La publicité cosmopolite agressive en devient caricaturale, avec des pubs faisant la promotion de la baise interraciale homosexuelle dans le métro, ou un panneau de plusieurs mètres de hauteur et de largeur pour du bricolage, où il ne manquait que le logo Blacked. La blonde et les quatre nègres étant déjà présents. Les nègres puent. C'est véritablement atroce. Lorsqu'en dans le métro, je ferme les yeux pour me concentrer sur la musique provenant de mes écouteurs, il m'arrive parfois de sentir un nègre approcher à sa forte odeur infecte. Une des plus belles rencontres de ma vie, l'eau était coupée dans mon quartier, mais je pensais que ce devait être les ouvriers du chantier juste à côté qui avaient encore coupé l'eau par mégarde, comme ils l'avaient déjà fait par le passé. Malheureusement, le seul ouvrier sur le chantier au moment où je suis allé vérifier était un gros nègre, et il était impossible de comprendre un broc de ce qu'il racontait, le seul mot compréhensible dans son charabia de singe étant « eau ». Cerise sur le gâteau. Lorsque celui-ci s'est approché de moi pour tendre le bras vers les ouvriers postés plus loin faisant les travaux sur le quartier, j'ai remarqué qu'il tenait dans sa main une barquette de poulet KFC. Alors ça continue, hein, c'est un témoignage assez riche, mais voilà. 2018 fut également l'année de la découverte des travaux du professeur Forisson et aussi de Monsieur Renoir. Et je pense que vous devinez à quel point un tel homme a pu m'inspirer. La justesse de ses propos, la rigueur de son travail et la hargne fanatique à laquelle il a fait face m'ont définitivement convaincu de la perfidie d'une bonne partie des Juifs. Comment pouvait-on agresser, violenter l'homme respectable, poli, honnête ? Pour la petite anecdote, j'ai même réussi à faire compatir mon père en juivet avec le sort du professeur, en décrivant les procédés employés contre sa personne, mais sans jamais citer son nom. Ce fut un excellent moment pour moi de faire constater à mon père, sans qu'il ne s'en rende compte, d'à quel point la violence juive peut être exacerbée. À la fin de 2018, j'étais entièrement convaincu. Je lis un courrier comme ça. Bon, alors peut-être aussi que l'époque est à la prise de conscience, quoi. C'est vrai que ça doit être encore largement pire qu'à mon époque. Mais putain, moi, à 19 ans, j'étais totalement apolitique. J'avais rien à branler. Je pensais qu'à essayer de me trouver une gonzesse, des conneries comme ça. Quand je vois un étalage d'autant de conscience, le mec, il est manifestement sur la bonne voie, quoi. Chapeau à lui. Il a déjà 15 ans d'avance sur moi, quoi, en gros. Donc, C'est vrai que ça peut surprendre des gens de cet âge-là qui sont déjà si connaisseurs, si fins connaisseurs, en fait, de la situation. Mais le problème, en fait, c'est le temps. C'est la progression du problème dans le temps, en fait. C'est-à-dire qu'à notre génération, on avait quelques, selon en plus là où vous habitiez, vous aviez quelques Arabes avec vous, mais quelques nègres potentiellement, mais c'était pas non plus la catastrophe. Mais là, quand t'as 20 ans, en fait, dans la France de 2019, mais t'as du nègre et t'as du bougnoul partout. Et en plus, tu l'as non seulement dans la rue, mais tu l'as à la télé. Tu l'as dans les films. Tu l'as dans les journaux. C'est-à-dire que tu ne peux pas y échapper, en fait. Et quand tu vois tout ça, et qu'en plus, tu as toutes les officines gouvernementales qui te crachent à la gueule de blanc, ou qui laissent les mêmes personnes te cracher à la gueule, forcément, quand t'as 2 grammes de jugeote, tu te dis, on dit qu'un plus un égale 4, non, apparemment, il y a une couille sous le rocher, quoi. Donc, voilà. Donc, je félicite l'auditeur, hein. Effectivement, il a fait preuve d'honnêteté intellectuelle. Il est parti à la recherche de la vérité. Et c'est ça qui fait que les personnes intelligentes rejoignent notre bord, en fait. façon, ceux qui ne nous rejoignent pas sont ceux qui sont idéologiquement déjà perdus ou qui ont une situation à préserver ou qui fricotent avec des nègres. Alors je pense, une toute petite hypothèse, mais je ne vais pas développer plus parce que ça nous éloignerait du sujet, mais je pense qu'une des raisons pour laquelle nos jeunes compatriotes prennent plus rapidement conscience de nous que nous, de la merde dans laquelle on se trouve, c'est que c'est le féminisme. C'est-à-dire qu'en fait, là, ils sont vraiment seuls au monde. Le jeune mâle blanc, là, est seul au monde. Nous, en fait, on avait déjà, enfin, en tout cas, là, moi où je vivais, j'avais déjà les Arabes enfin, surtout les Arabes, mais pas trop les Noirs, mais vraiment en face à face, quoi. Et on se faisait traiter de sale blanc et tout. Donc, la guerre était déclarée, moi, dès l'âge de 16 ans et demi, 17 ans. C'était, pendant 2 ans, je me suis posé des questions sur ces gars. Je me suis dit, pourquoi tout le monde nous pose à leur sucer la bite? Donc, j'ai eu 2-3 potes arabes. J'ai compris tout de suite, quoi. À 17 ans, j'étais arabophobe, quoi. Mais par contre, il y avait les femmes, quoi. C'est-à-dire que nous, à notre époque, tu pouvais draguer, tu pouvais essayer de choper des meufs. Enfin, tout ce mouvement social justice warrior n'existait pas du tout, quoi. Donc c'est à mon avis ça qui fait qu'aujourd'hui il y a un sentiment de solitude inouïe, en fait, chez le jeune blanc, quoi. Il se sent vraiment, il a l'impression que toutes les troupes de l'enfer, toute la cavalerie de l'enfer a été libérée juste pour l'achever lui, quoi. Ce qui d'ailleurs partiellement vrai, hein, voire complètement vrai. Alors, ce que je retiens du courrier, c'est le caractère, enfin, notre jeune auditeur est en études scientifiques. Il ne précise pas dans quel domaine il poursuit ses études, mais c'est quelqu'un qui a un esprit scientifique, il le dit. Hein, voilà, mon père m'a fait baigner dans cet esprit cartésien très tôt, je m'y retrouve, donc j'ai développé une passion pour les sciences, et donc pour moi, ce qui est important, c'est les faits. Il me faut des faits, il faut qu'on parle de la réalité, qu'on parte de la réalité. Et donc, en fait, je crois que ça résume assez bien, notre démarche. Alors, ici, à démocratie participative, quoi, hein, mais bon, plus généralement, dans nos milieux, quoi. Mais en tout cas, à démocratie participative, c'est-à-dire qu'on a une approche scientifique, je crois. Vraiment. Je pense qu'on a une approche scientifique. C'est-à-dire qu'on a face à nous une espèce, enfin, mais c'est même pas une espèce, c'est une, bon, tout en haut la secte juive, hein, le millénarisme juif, mais tout autour d'eux, des espèces d'obscurantistes hystériques, encore plus maintenant, puisque vous avez toutes ces féministes de troisième génération qui sont complètement hors de contrôle, donc et puis en plus, comme elles sont infiltrées dans l'éducation nationale, dans la magistrature, dans les médias, elles hystérisent le discours ambiant, c'est tout à fait évident. Donc il n'y a plus tellement de place, en fait, pour une analyse froide, dépassionné des phénomènes sociaux, des phénomènes politiques. Tout est hystérisé, tout est caricaturé, et évidemment s'y associe le fanatisme juif qui, lui, appelle constamment à faire taire, en fait. Et évidemment, comme on est quand même encore en France, je veux dire, bon, par la force des choses, tous les hommes ne sont quand même pas complètement, complètement lessivés psychologiquement. Ils ont quand même encore une propension à la cérébralité. Et on peut certainement vendre beaucoup de choses aux gens, beaucoup d'idioties et de mensonges, mais il y a quand même des gens qui veulent creuser un petit peu, et ils découvrent que quand on creuse, bah, les mythes, ils tiennent pas très longtemps, en fait. Hein. Et c'est vrai que dans ce cas précis, ce qui est formidable, et je suis content, en fait, que ça soit par nous, que ça soit passé, on a fait gagner énormément de temps à ce jeune homme. Hein, c'est, parce que c'est ça, en fait. Nous, enfin, moi, je me rappelle bien à mon niveau, mais je pense que c'est pareil pour les autres. En fait, nous, on a connu. Donc, quand je dis nous, c'est les fils de boomers, les enfants de boomers, quoi. Bon, lui, il dit qu'il est aussi un enfant de boomer, mais enfin, c'est vraiment tardif. C'est vraiment la queue de la comète générationnelle, quoi. Il est né pratiquement en 2000, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a eu une génération qui a pratiquement rien transmis en termes de valeurs. Enfin, ils ont vraiment rien transmis. C'est des gens qui n'ont pas jugé utile de transmettre quoi que ce soit, si ce n'est toutes les obsessions des boomers, donc l'antifascisme, l'anti-hitlérisme, enfin, vous connaissez, quoi, tout ça. Mais ils n'ont pas la libération de la femme, ce genre voilà, toutes ces conneries. Mais ils n'ont pas transmis de valeurs positives rationnel qui s'articule sur, sur quelque chose de scientifique, ça c'est clair. Et moi je crois que notre projet, c'est de bâtir une société sur la base de la science. Ça c'est mon point. À de la vérité en règle générale. Alors quand la science peut mener à la vérité, la science est valide. Et puis quand on est dans des domaines où la science est insuffisante, chercher la vérité, la vérité, là, ça, donc la science fait partie de la vérité. La science. Je vois pas comment on pourrait. Le moyen. Bien sûr, mais je veux dire, pour moi, c'est tenter de comment dirais-je, de bâtir un ordre social qui soit fondé sur la raison et la science. Et évidemment, ça bat en brèche tout ce qui a trait à la race, à l'égalitarisme, etc. Fatalement. Bon. Et donc, si on peut faire gagner du temps à des jeunes qui se questionnent, pour qu'ils en fait, qu'ils prennent un raccourci, plutôt que eux-mêmes à devoir réinterroger systématiquement tout ce qu'on leur met devant les yeux ou dans les oreilles, et sans trop savoir vers où chercher pour interroger ces mythes ou ces vérités révélées, c'est bien. C'est bien. Nous, on a dû le faire, mais avec nos petits moyens, parce que il y avait encore quelques petites structures qui transmettaient, parce qu'il y avait une transmission quand même par certaines organisations, certains sites internet qui étaient de vieilles générations nationalistes qui ont quand même essayé de transmettre quelque chose. Donc de contourner les mythes et les mensonges. Et si nous on peut arriver à le faire aussi, ça, c'est bien quoi. Voilà, si on peut faire gagner beaucoup de temps à des jeunes qui s'interrogent et qui sont pas certains de ce qu'ils pensent, et si on le fait en apportant une argumentation qui est effectivement sourcée et logique, moi j'en suis content. Dans la flagellation que j'infligeais à notre génération par rapport à la sienne, faut aussi prendre en compte que c'est vrai que nous, il n'y avait pas Internet. Donc en réalité, moi qui étais quand même un mec honnête, qui cherchait la vérité, c'est vrai que le processus était quand même long, parce qu'on part de tellement loin depuis ce que nous racontent les profs, et encore moi j'avais la chance d'avoir une formation familiale très très correcte, quoi. Donc j'imagine le gars d'où il part lui, internet l'a quand même beaucoup aidé, donc mais bon, peu importe, c'est en tout cas, c'est manifestement, il y a un gros changement, quoi. Parce que un jeune de 20 ans qui pensait comme ça n'existait pas à mon époque. J'en ai trop croisé, j'ai fait tellement de bahuts, j'ai tellement vagabondé, j'ai croisé, je crois, tous les types d'individus qu'il y avait en France à cette époque-là, et je vous dis que ce genre de gars de 20 ans n'existait pas, quoi. Donc c'est juste génial, quoi. C'est le changement d'époque, et la tendance, c'est nous, quoi. Le gauchiste, c'est has-been, enfin, ils sont vraiment méga has-been. Plus aucun jeune peut tenir. En fait, il n'y a plus de jeunes gauchistes vraiment. Tu regardes même, des fois, ils sont dégénérés, mais ils sont pas gauchistes. Ils sont pas, dans l'égalitarisme, le politiquement correct et tout. Par contre, des fois, ils sont vraiment dégénérés sur la branlette, sur la drogue et tout. Là, par contre, c'est une génération complètement rongée à ce niveau-là, quoi. Encore plus que nous, sur le plan des mœurs, c'est catastrophique, quoi. Mais je pense qu'il va y avoir très vite aussi, ça va s'arrêter. Très vite, ça va s'éroder, ça, parce que justement, ils vont prendre conscience que tout le combat, il faut être cohérent, quoi. C'est soit ils deviennent l'ennemi est tellement fort, l'adversité est tellement forte, que soit ils deviennent des surhommes pour la vaincre, soit ils se feront anéantir, quoi. Donc, je pense que cette génération va être, est bénie des dieux, quoi. Ouais, Magda. Il y a aussi un truc, alors attention, effectivement il y a internet, et puis je ne dis pas que ce jeune homme n'a pas de qualité, mais nous on était encore dans la subversion, c'est-à-dire que quand le gauchisme voulait implanter une idée en nous, on y allait subtilement, on y allait pas à pas, et on a vu, enfin notre génération, les choses, comment dire, devenir de pire en pire. Maintenant, en fait, il peut plus avoir de nuances. J'écoutais un clip là qui passe à la radio je regardais un clip d'une chanson qui passe à la radio. C'est un clip d'une chanteuse qui s'appelle Angèle. Elle ne fait pas de phrases. Il n'y a pas de syntaxe. Et c'est du féminisme SJW niveau plus plus. Et ça, c'est la musique qu'écoutent les jeunes qui ont, je pense, 18-19 ans. C'est ultra radical. Nous, c'était pas à ce point-là. C'était beaucoup plus subtil. T'as eu, pour la génération précédente, Femme libérée. Et puis, quelque chose d'un petit peu plus nuancé. Et puis maintenant, c'est carrément Caroline Fourest qui crache à son micro pour nous dire comment nous comporter, comment pisser. Il faut pisser assis. Donc forcément, hein, quand t'es un jeune homme, que t'as les hormones qui marchent, ben on ne dit pas où est-ce que tu vas faire. Donc quelque part, c'est logique que cette génération, la génération, on va dire, née après 2000, rejette ce gauchisme. C'est parfaitement normal. Bah en fait, je sais pas. Attendez. Je sais pas s'il le rejette, entre nous soit dit, mais ce qui est sûr, c'est que le choix est beaucoup plus facile à opérer, puisque c'est tellement radical, comme tu dis, que c'est moins diffus, quoi. C'est vraiment d'un bloc. Moi, j'ai quand même du recul, par exemple, sur l'évolution de la société française, l'évolution aussi du traitement médiatique. Il y a un double phénomène. Il y a un phénomène. Pour la société en elle-même et telle qu'elle est présentée dans les médias, il y a un phénomène de radicalisation et de désintégration en fait de l'ordre social absolument incroyable. C'est-à-dire que ce qu'on vit aujourd'hui en une année, il aurait fallu 10 ans ou 15 ans pour le vivre entre 1990 et 2000. Je veux dire, il y a un phénomène incroyable. L'accélération de tout. Ouais, ouais. Et par rapport aux faits divers, par rapport aux prises de position politiques, par rapport à tel ou tel événement, que ce soit à l'étranger, enfin dans le monde occidental, ou ici ou là, enfin, on le voit, quoi. Il y a une accélération, et tous ceux qui ont un peu de recul, ils voient à quelle vitesse ça va, et c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Donc c'est vrai que quelqu'un face à tout ça, aujourd'hui, bon, s'il a un esprit qui est quand même assez logique, et qui s'interroge, qui a un esprit critique, je pense qu'il va quand même au moins entamer un travail de questionnement assez profond, et assez rapide. Ceci étant dit, Il y a, avec tous les médias qui existent aujourd'hui, on peut tellement exposer un jeune esprit à la propagande juive, que ce soit par tous les écrans qui existent. Nous, on n'avait pas ça. Je veux dire, les téléphones portables, ça fait, c'est comme les télévisions à partir des années 60, quoi. C'est une deuxième révolution juive au plan médiatique. Ils peuvent bombarder les cervelles des gamins à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Voilà, ça commence là. Donc le niveau d'attention s'effondre évidemment à l'école. C'est vraiment tout ça, c'est complètement nouveau. Donc, c'est une génération, il n'y a pas de temps de latence. Hein, ils sont en prise directe avec ça. Alors soit ils tombent dedans à pieds joints. Bon, je pense quand même qu'entre 15 et 20 ans, c'est difficile de s'en extirper. Mais en vieillissant, on se pose des questions, et voilà. Donc, je rejoins le sentiment d'humilité éprouvé un peu par tout le monde, à savoir à l'âge de ce jeune homme, je pense pas que j'avais autant de conscience, plutôt de conscience raciale. Voilà, pour cause des gonzesses, parce que quand t'as 20 ans, tu penses pas à la politique. C'est vrai que la jeune génération, alors jeune génération, attention, je suis un trentenaire, donc je suis pas un vieux con non plus, ils ont internet, et quelque part, on va seulement rentrer dans une phase de censure agressive. Et moi, je sais que je l'ai pas trop connu lorsque j'ai grandi, quand j'étais ado. Je pense que c'est quelque chose qui va venir petit à petit de plus en plus. Ça a déjà commencé, hein, si vous suivez DP, vous êtes au courant. D'ailleurs, prenez un VPN, voilà, ceci étant dit. Oui. Voilà, le message est passé. Donc c'est vrai qu'on peut dire merci. Les Juifs, ils aiment pas trop Internet. Hein. C'est pour ça qu'on peut dire merci Internet, parce que ça aide beaucoup là-dessus. Et surtout, il y a Internet maintenant qui est partout, tout le temps, avec plein d'appareils différents. Moi, j'ai pas trop connu ça, quoi. J'avais internet genre 33K chez moi, et puis donc j'allais sur SOS Racaille, pour ceux qui se souviennent de site, et puis je rigolais un peu, quoi. Je rejoins Gandalf sur le côté un peu marche ou crève, quoi. C'est vrai que maintenant le mondialisme est allé dans sa phase un peu finale. C'est genre, vous nous suivez, vous devenez des SJW, et on va dire notre peuple va crever, parce que c'est la finalité. Ou alors vous êtes un résistant et il n'y a pas d'entre-deux. Parce que finalement, le processus du mondialisme s'est mis en place et il y a une finalité derrière. Et c'est juste que voilà, moi j'ai grandi où j'étais dans une position un peu intermédiaire. On pouvait se dire, ah mais non, ça va pas se passer comme ça. Oui, mais bien sûr, ça va se passer comme ça. Je voulais revenir vite fait sur le côté un peu scientifique du jeune homme. Moi j'ai un peu cette même approche-là. Et c'est vrai que c'est épuisant. je sais pas pour vous, hein, on en parlera peut-être après. Moi, c'est épuisant d'écouter toujours des gens qui sont dans la contradiction, qui, j'ai l'impression que c'est des beubeux. Et, alors qu'en fait, des fois, j'ai des affaires à des phases, alors, j'ai en face des moi des gens qui sont intelligents, et juste, ils me disent des choses contradictoires, tu vois. Genre, ils disent, il y a du racisme, mais les races n'existent pas. J'aime la diversité, mais il faut du métissage. Ce qui est contradictoire, tu vois, là. La finalité du métissage à la fin, c'est qu'il reste plus qu'une seule entité, et puis, l'effondrement de la logique. Catastrophique. Non, mais voilà, ces gens manquent de logique, alors que, ou alors juste, y a des différences, mais on est tous les mêmes, tu vois, genre de conneries, souvent des conneries de bonnes femmes, d'ailleurs. Moi, je pense aussi qu'il y a des fois un manque de logique de certaines personnes aussi, mais aussi un effet un peu, vous savez, le personnage de Matrix, Cypher, celui qui bouffe son morceau de viande, et juste lui, il a compris c'est quoi la vérité, mais juste il l'aime pas, quoi. Donc il préfère rester dans le mensonge, et parce qu'il bouffe son steak, vous souvenez de cette phrase, et il dit, bon voilà, mais je sais que ce steak n'existe pas, et mais voilà, au moins je sais que je suis dans un certain confort, et puis tant pis, advienne que pourra, quoi. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont malheureusement comme ça, c'est pas qu'une histoire de logique. Oui, et puis surtout que le steak en question, c'est très très facile de le trouver dans la vie virtuelle maintenant. C'est même beaucoup plus facile à, maintenant, en 2019, qu'il y a seulement 15 ans, on te proposait pas ni Instagram, ni de la vidéo à la demande, ni du porno gratuit. Tu n'avais pas la possibilité de t'échapper autant dans le virtuel que maintenant. Oui, puis les jeux vidéo aussi. Je crois que c'est aussi une question d'ego, parce que les gens qui sont capables en fait de remettre en question leur vision du monde, c'est des gens qui finalement ont bien sûr l'intelligence, mais ne se sentent pas menacés en fait par cette remise en question, tant qu'ils ne peuvent pas, c'est-à-dire que ils se sentent tellement importants, se sentent tellement particuliers, c'est ce qu'on appelle les snowflakes hein, en anglais. Qui ne peuvent pas effectuer ce genre de choses. Là, j'ai en tête, j'ai vu ça sur Le Parisien, ça a quelques heures, ou c'était quelques jours maximum. T'as un espèce de gauchiste à cheveux longs qui jouait de la musique avec des potes à lui dans le jardin du Luxembourg. Et un premier agent de sécurité arrive et lui demande d'arrêter. Le gars dit OK. Des gens passent, disent non mais comment ça se fait, c'est scandaleux, pourquoi vous ne faites pas de mal. Donc le mec se remet à jouer, un deuxième agent de sécurité arrive, puis c'est marrant, parce que la façon dont il parle d'agent de sécurité, tu sens un petit peu ce mépris de classe, en fait. Et le mec dit, écoutez, mon collègue vous a déjà demandé d'arrêter, donc là, soit vous arrêtez, soit vous prenez une amende, en fait. Et le gars, il dit, non, mais attendez, moi, je comprends pas, je fais rien de mal, là, bref. Et le mec est capable de dire dans la même phrase, votre collègue m'a dit que c'était interdit par le règlement, votre collègue ne m'a pas expliqué pourquoi je n'avais pas le droit de jouer. Et en fait, la réponse est dans le truc, tu sais, mais c'est incroyable. Oui. Mais en fait, c'est pas tant, effectivement, comme disait Pierrot, en fait, c'est même plus une question de logique à ce niveau-là, parce que, je veux dire, à moins d'être un nègre, je veux dire, n'importe quelle personne dotée de facultés intellectuelles normales arrive à voir la contradiction dans la phrase et à percevoir la stupidité de la citation, quoi. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le mec, il est persuadé d'être quelqu'un de moralement supérieur, lui, c'est quelqu'un de gentil, lui, il fait pas de mal, lui, il ne fait que de la musique avec ses amis, patati patata, et en fait, si tu veux, t'es confronté à quelque part la bêtise fasciste, stupide, du règlement de ci, de ça, contre le mec, tu vois, qui est gentil, qui fait pas de mal, qui vote certainement pour Mélenchon, et en fait, je crois qu'on avait déjà parlé dans une autre émission, mais il y a eu un glissement sémantique, en fait, dans le combat. On n'était plus entre des factions qui s'affrontaient pour une victoire politique, et donc on n'était pas dans une civilisation qui comprenait l'affrontement, mais on avait glissé, après la Seconde Guerre mondiale, dans un système qui ne connaît que le camp du bien et le camp du mal. Et donc, forcément, le camp du mal désigné est à éradiquer. Et voilà. Mais voilà, ça, oui, mais c'est aussi même le refus de la notion même de limite, parce que les limites sont perçues comme à l'origine de conflits. Donc toutes les limites doivent être détruites pour parvenir à cette grande ère de paix, hein, ce qui est le fondement de la théologie juive, hein, je précise quand même. Hein. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que... Pas des sabbataïstes, là, ouais. même pas uniquement, enfin, c'est la théologie juive. Le Messie va arriver, ça sera la paix sur terre, une fois que tous les peuples auront été écrasés. Bon, non, mais le côté dépasser ses limites, ça, par contre, c'est assez. C'est pas ça dont je parle. Je parle donc d'abolir les limites sociales, les limites culturelles, les limites sexuelles, les frontières physiques, les règlements, etc. Donc, ça, si vous voulez, cette espèce de pacifisme. Qui refuse en fait toute notion de limite, aujourd'hui est en train de détruire la société. Voilà, donc il y a plein de gens comme ça, ils refusent des notions très élémentaires, hein, de limite, de respect, de trucs, ils refusent. Alors il y en a qui sont malins, et c'est de l'exploitation pure. Par exemple, les Arabes, ils refusent les limites, mais c'est pas parce qu'ils ont un principe, ils ont un problème avec le principe d'autorité, simplement ils veulent soumettre les autres, et quand on essaye de les soumettre, eux ils disent merde. Donc voilà, c'est très simple. La limite, pour eux, c'est dans un sens, c'est pas dans les deux sens. Ce blanc-là, c'est un sale gauchiste, probablement, qui veut jouer, enfin, qui veut faire ce qu'il veut. C'est un anarchiste crasseux, voilà, qui veut jouer le beau avec des minettes bourgeoises au Luxembourg, voilà, bon. Et vous avez toute cette espèce d'état d'esprit ambiant qui, comment dirais-je... Donc j'ai parlé, hein, du pacifisme, hein, cette espèce de voilà, mais qui est aussi qui repose aussi sur l'individualisme. C'est-à-dire que pourquoi tous ces gens-là refusent les limites ? Parce qu'ils estiment que c'est essayer de brider leur individualité. C'est-à-dire que pour eux, en fait, c'est un faux discours social. Ils aiment bien dire oui, mais c'est pour le bien commun. Ils disent pas le bien commun, mais ils disent c'est pour l'humanité. Voilà. C'est quelque chose de très abstrait. Mais quand vous intéressez à ça, qu'est-ce qui motive profondément leur refus de toute limite, de tout ordre ? C'est parce qu'ils estiment que leur ego doit pouvoir se développer selon ce qu'ils attendent, selon ce qu'ils veulent, et qu'en fait c'est la société qui ne peut rien, la collectivité qui ne peut rien leur demander, rien exiger d'eux. Donc en fait, c'est vraiment pervers, hein. C'est de l'anarchisme individualiste, très féminin, très capricieux, qui se maquille en altruisme, sous un vocable, comme je l'ai dit, pacifiste. Voilà. C'est l'idéologie dominante, ce truc, hein. Le lecteur parlait de la science. La science, elle est surtout utilisée maintenant comme argument d'autorité. Est-ce qu'après les arguments sont scientifiques et sont valables ? C'est pas vraiment important parce que la plupart des gens ne vont pas les rechercher. Les premiers à juger leurs arguments comme étant particulièrement scientifiques, c'est les gauchistes en sociologie. Eux vous parlent de science humaine, évidemment, à longueur de temps. Et les premiers à dire que les races n'existent pas le font avec l'argument de la science comme bouclier. Mmh. Donc moi je méfie en fait du scientisme. C'est parce que tout le monde peut le revendiquer. Et si tu veux, moi j'ai pas besoin, par exemple, de la science pour me dire que les races n'existent pas ou qu'il y a des différences fondamentales et essentielles entre les hommes et les femmes. J'en ai pas besoin, c'est quelque chose que je ressens. Oui, mais c'est pas juste, il faut bien comprendre ça, c'est important, c'est une nuance importante. La science permet d'éclairer la réalité, permet de comprendre la réalité. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas dans une ère scientifique, on est dans une ère d'obscurantisme, et de religiosité. C'est très différent. Donc, quand ils citent des scientifiques, vous avez qu'à remarquer, les questions raciales, c'est vraiment frappant. Quand ils citent des scientifiques, ce sont généralement des scientifiques qui sont malhonnêtes, en plus. Ce sont des gens, comme la fameuse théorie, vous savez, de l'origine africaine, d'Homo sapiens, etc. Bon, on voit bien aujourd'hui que, par toutes les découvertes qui se multiplient, en fait, la seule réponse qui peut être faite aujourd'hui, c'est qu'il n'y a absolument pas, il n'y a rien de définitif sur cette question. C'est tout à fait évident, même la théorie donc de Out of Africa est quand même très très fragilisée, pour ne pas dire plus. Mais n'empêche que voilà, c'est rabâché, je suis d'accord avec toi. Mais si tu veux, c'est pas sérieux au plan scientifique. Tu vois ? Donc c'est une dénaturation de la science. Et en fait, si tu veux saboter une vérité scientifique, qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu prends un scientifique qui n'en est pas un pour donner un caractère, un vernis scientifique à ton mensonge. Mais ça, déjà, sous l'Union soviétique, c'était le cas. Dont le fameux Lysenko, Henri de Besquin aime bien le citer, puisque le club de l'horloge donne un prix Lysenko à ces scientifiques qui sont des menteurs, des bonimenteurs, et qui essayent d'intoxiquer l'opinion publique avec des thèses qui donnent l'impression d'être scientifiques, mais qui ne le sont pas. Donc ça, c'est quand même très très vieux. Et les scientifiques qui font des découvertes gênantes pour l'idéologie dominante ou la religion dominante, sont persécutés. Kondratiev a été assassiné par les communistes, et on pourrait citer comme ça toute une série de scientifiques qui ont été assassinés. Donc, en fait, les vrais scientifiques, ceux qui ne font pas cas des normes sociales pour faire progresser la connaissance de la réalité, ces gens-là encourent généralement des risques personnels, j'entends. Et les grands scientifiques sont des gens qui vont jusqu'au bout. Il y en a un autre qui me vient en tête. C'est Watson, le généticien, qui a reçu un prix Nobel de la paix pour avoir découvert la structure de l'ADN, et qui est persécuté aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est très âgé, hein. il est à peu près aux 90 ans, je crois. Il est admiré en Chine, où ils ont créé un institut à son nom, parce que les Chinois sont très en pointe sur toutes les questions génétiques, évidemment, et donc ces gens-là n'ont aucun tabou sur ces questions-là, ils sont bien déterminés à progresser... dans ce domaine, donc quand ils trouvent des grands scientifiques occidentaux, ils les honorent, bon, c'est une autre démarche, alors qu'en Occident, il est diabolisé, toujours par les mêmes, en fait, hein. C'est que les tenants de cette espèce de monothéisme égalitariste, mais matérialiste, qui croit à l'égalité matérielle entre les hommes, qui veut faire taire toute forme d'opposition, hein. Donc, sur ce que tu as dit... Et en plus, et là ça, ce qui nous concerne directement, ça c'est un point important, c'est que je pense que nous voulons comprendre scientifiquement le fonctionnement de la réalité. Nous voulons les progrès de la science pour comprendre la réalité qui est la nôtre, dans tous les domaines. Ce qui nous permet ensuite de faire des propositions politiques qui se basent sur des faits vérifiés par l'expérience, j'entends, hein. Pas des proclamations, mais des faits de la science dure, quoi. Comme sur les races, par exemple. Moi, je pense que ça, c'est le futur. Et les Chinois sont en train d'aller dans cette direction, par exemple, hein. C'est des gens qui disent « Non, nous, on veut pas de tabou égalitariste. On veut foncer dans les biotechnologies. On veut foncer dans le domaine de la science et dans les sciences génétiques, dans toute une série de sciences. » Et ils foncent. Et nous, on fait un bond en arrière. Parce qu'on est en train de retomber dans une époque d'obscurité où des gens, au nom de mythes, veulent empêcher des nations entières, des peuples entiers d'organiser leur société sur des bases scientifiques. Ça, c'est mon sentiment. Alors, mes amis, bon, discussion qu'on reprendra plus tard. Sujet numéro 2, et là, on poursuit notre périple dans la dystopie française. Donc on change complètement de sujet sans vraiment en changer. Ça, c'est un article du journal Le Parisien. C'est extraordinaire. Ça s'intitule, et je n'invente pas le titre, c'est pour pas que vous imaginiez que ce soit nous qui ayons réécrit le titre. Hein. Tel quel, Le Parisien. Saint-Denis, une ferme maraîchère ressuscite entre le McDo et la mosquée. Bon. Alors, voici les choses. Après la retraite du dernier exploitant de 18 mois de travaux, ce lieu pédagogique a officiellement ouvert au public ce samedi en Seine-Saint-Denis. Dernier témoin du passé agricole du secteur, il accueillera désormais le public avec un travail réalisé sur la mémoire. Difficile de l'imaginer aujourd'hui en sortant du métro à Saint-Denis, université. Mais il y a quelques décennies, la plaine des Vertus en Seine-Saint-Denis était l'une des plus vastes zones maraîchères de France. De cette époque subsiste un ultime témoin, à 10 minutes à pied du terminus de la ligne 13, jouxtant le McDo de l'avenue Stalingrad à Stein et la nouvelle mosquée de Saint-Denis. Un terrain d'environ 4 hectares abrite aujourd'hui une ferme maraîchère. Depuis ce samedi, l'exploitation, désormais transformée en lieu de transmission et de partage, accueille officiellement le public. D'un côté, des animaux, une serre et des herbes aromatiques. Ces terres où l'on cultive toujours le fameux chou de Saint-Denis, des salades, des tomates. De l'autre, un véritable musée présentant de très nombreux objets d'époque, agrémentés de photos et des vidéos des archives de la famille Kersanté, qui a exploité la ferme des années 1920 jusqu'à tout récemment. Des ateliers sont également proposés aux enfants, comme de la fabrication de pain ou encore de jus de pomme. Je n'en reviens pas de voir cela à Saint-Denis, apprécie Salia, venue ce samedi avec Alain de Saint-Souplet, près de Meaux, en Seine-et-Marne, pour découvrir un lieu unique. On a fait une soixantaine de kilomètres et on ne regrette pas. C'est très intéressant de voir les ateliers comme celui de la fabrication de pain, par exemple. C'est ludique pour les enfants et ça permet de faire prendre conscience que le respect de l'environnement, c'est notre avenir. Que Salia est soucieuse de l'avenir. Charlène et son fils de 4 ans ont fait le saut depuis la Courneuve, juste à côté. On a assisté à la tonte des moutons, c'est pédagogique, précise la jeune femme. C'est vraiment chouette, renchérit Vanessa en se posant quelques instants dans la serre aux tomates. Cette habitante de Saint-Denis a emmené son fils et d'autres enfants jusqu'à la ferme. Alors je passe un petit peu des détails. Pardon, ils font quoi avec les moutons? Ils les tondent. Officiellement. Alors, je passe un petit peu, je reprends. Donc, à l'épaule, ils vont parler un petit peu du paysan, là. Alors, l'objectif était de préserver une activité agricole, mais aussi de permettre aux habitants du territoire de connaître cette histoire formidable. Car c'est le dernier lieu de mémoire du maraîchage intensif francilien, explique Xavier Laureau, co-directeur des fermes de Galie, déjà implantées dans les Yvelines. Sa société a repris le site il y a 18 mois, après la retraite du dernier exploitant, René Kersanté, 78 ans. À l'époque, la ville de Saint-Denis, propriétaire du site, avait lancé un appel à candidature pour lui chercher un successeur et ressusciter le lieu. Je ne peux que me réjouir de voir l'activité continuer et que notre métier soit présenté à tout le monde tel qu'il était à l'époque, apprécie le dynamique septuagénaire. Il se souvient, dans les années 80, quand le maire communiste de la ville s'était opposé aux velléités de gourmands promoteurs. Marcelin Berthelot venait lui aussi de la campagne et d'une famille d'ouvriers agricoles, raconte-t-il. Alors il a su dire non à ses projets, et moi, je ne voulais pas d'argent, juste de la terre pour continuer à travailler. Son successeur est une jeune femme de 24 ans, Jeanne Combray, qui exerce sur le site avec une équipe de 5 personnes permanentes. La petite équipe produit des fruits et légumes qui sont déjà proposés depuis quelques mois en vente directe aux habitants du quartier. Et il raffole déjà, paraît-il, des céréales produites sur place. Il faut savoir que dans le secteur, il y a 135 différentes nationalités et il faut réussir à satisfaire tout le monde, sourit la jeune exploitante. Et le maïs met tout le monde d'accord. Voilà. Alors donc, c'est notre enracinement nouvelle formule. Donc en fait, vous voyez, hein, mosquée, McDo. Réconciliation nationale par le maïs. C'est ça, et maïs... ouais, ça c'est pour les nègres, ça. Hein, c'est pour les caddies. Ben, on a eu l'occasion avec nos auditeurs qui nous ont envoyé des vidéos, rappelez-vous, avec des croix de fer à la clé, oui. Les caddies qui sont renversés pour griller le maïs à la sortie de la gare de Saint-Denis. Donc, donc ça met tout le monde d'accord, effectivement. C'est une forme de spiritualité par le maïs. Alors, qui veut me commenter un petit peu ce... C'est vrai que c'est anecdotique, hein, mais le côté mondialisation américaine par le haut et tiers-mondisation par l'islam par le bas, C'est surtout la muséification de la France, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on vient voir les derniers coins où il y avait des Gaulois qui faisaient des trucs. Oui, c'est ça. Bah, en fait, il y a des images dans l'article où on voit des photos du musée et on voit il y a des chevaux, il y a des Gaulois qui travaillent, etc. Donc c'est pour corroborer ce que tu dis, illustrer ce que tu dis. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. C'est... Ouais, c'est... Oui. Ça fait penser à la fin de la soupe aux choux. Je sais pas si vous vous souvenez du film La soupe aux choux, mais à la fin, tu as la petite maison traditionnelle et puis... t'as les touristes chinois qui viennent jeter des cacahuètes sur les deux vieux comptes français. Bah c'est ça en fait, sauf que c'est pas des touristes chinois plein de fric, c'est des nègres nourris avec nos impôts qui vont arriver là-haut avec leur petit KFC. Oh, un français, ça existe, mon dieu. Ça me rappelle un peu la caricature dont on a parlé à plusieurs reprises et... du Troisième Reich, où il y avait marqué la France dans 100 ans, avec voilà, c'est... Oui, caricature prophétique. C'est cette caricature, c'est pas une caricature d'ailleurs, c'est une prophétie. Et c'est splendide. Hein. C'est la caricature, on voit en fait une tafiole qui suce les pieds, je crois, d'une femme, pendant que les nègres jettent des cacahuètes. C'est... tu veux dire, on voit un couple de Français, d'Occidentaux fiers d'eux-mêmes, en train de se faire jeter des cacahuètes par des nègres enchapotés. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. C'était visionnaire, quand même. Hein. On peut quand même un peu leur faire un reproche quand même aux Allemands, ils n'ont pas vu le coup du maïs. Non. Et ils n'ont pas vu le fait que les nègres porteraient des boubous quand même, parce que bon... Oui, ils sont en costume. Ils se sont dit, oui, bon, alors les Français, là, ils sont marrants, ils apprennent à parler aux nègres, ils vont leur mettre des chapeaux, tu vois, pour rigoler. Non, on est arrivé à un point où les nègres sont là, ils sont chez eux, dans leur pays qui est la France, et donc ils amènent, enfin, ils développent leur coutume, voilà, les boubous... Oui, oui. Cuisiner par terre, enfin cuisiner c'est un bien grand mot. Faire brûler du maïs. Oui, faire maïs. Oui, bah oui. Et puis voilà, puis donc ils viennent là. Oh le joli four, mais vous faisiez du pain là-dedans, c'est intéressant. Oh là là, oui. Bah écoute, c'est jamais que. Parce que finalement, d'émission en émission, je dois dire que Le Parisien nous fournit des anecdotes extraordinaires. C'est un journal de gauche, je sais qu'ils se donnent beaucoup de mal pour essayer de... Mais ils nous font rire sans s'en rendre compte. Hein. Alors moi, ça m'a... Alors, je ne vais pas dire traumatisé, mais ça m'a marqué. C'est la visite de Versailles avec les négresses en boubou et toutes les négrillons qui courent dans tous les sens. Et les photos, quoi. Je veux dire, oh, c'était extraordinaire. Alors tu parles de muséification... Alors là, c'est un peu plus trivial, parce que là, c'est plus le monde de la campagne, etc. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu cocasse. Ils expliquent, bon, ouais, t'as le McDo à côté, pour la bouffe du 21e siècle. T'as la mosquée à côté, bon, ça, c'est pour le djihad du 21e siècle. Puis bon, t'as la station de métro qui arrive là, tu vois. Et puis si tu pousses un petit peu... La rue Stalingrad, d'ailleurs. Hein. Oui, rue Stalingrad. Donc ouais. Tu vois que le communisme, l'ultra-capitalisme juif, puis comment, la mosquée partout, ça résume tout ce truc. Puis au milieu, t'as le musée des Gaulois. Ils sont plus là, les Gaulois. Hein. Ils ont... Bon. Et on vient voir, comme t'as dit, oui, en effet, oui. Et vous vendez du maïs, ça, c'est vrai. Bon, je le fais sans l'accent, parce que... Mais bon... C'est un poème. Y'a maïs, là. Y'a maïs. J'ai trouvé cet article poétique. Poétique. Voilà le terme. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose ou bien on passe au sujet suivant? Ouais, bah, juste qui... Enfin, sensibiliser nos auditeurs à ça, quoi. À cette muséification qui est absolument ignoble. Enfin, moi, je la vois un petit peu partout... que ce soit dans les articles, autour de moi, pour tout un tas de choses, prêtez-y attention, enfin, il faut vraiment lutter contre ça. Dès que vous voyez quelque chose de ce genre-là, mettez des coups de pelle, quoi. C'est pas une maladie assez récente, ça, de vouloir faire des musées sur tout n'importe quoi? Non, ça fait ça au moins un siècle, voire plus. Non, ouais, mais je veux dire, déjà... je comprends... Je comprends qu'il y aurait un musée du peigne, mais je veux dire, là, t'as l'impression que maintenant, une communauté de communes a besoin d'un musée d'un truc, tu vois. Non, c'est très vieux. Hein. Déjà, tu vois, dans l'Est, quand les usines commençaient à fermer, le projet, c'était de faire venir des touristes. Donc, non, c'est très très vieux. Enfin, je te parle de ça dans les années 70. Hein. Après, est-ce que ça remonte à avant? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que si tu les laisses les politiques français... faire ça, c'est tu es mort. C'est parce que généralement, ils plombent tellement le truc que les touristes ne viennent pas. Bah, on va voir si Stein arrive à faire. En tout cas, des touristes, il y en a beaucoup, puisqu'il y a quand même 135 nationalités. Oui, touristes professionnels, fournis par nos touristes permanents. C'est ça, oui, parce que, permanent. Oui, ils doivent avoir des entrées gratuites. Enfin, c'est ça. C'est-à-dire que tu as des espèces de machins comme ça qui sont déjà nourris à l'argent public. Donc les seuls connards qui vont aller payer leur ticket d'entrée, ça va être des blancs, et les nègres, eux, non, eux c'est dans leur processus d'intégration, le voisinage, etc. Putain, c'est toutes les... Oui, non, mais ça, c'est juste tout, que tu dis. C'est le gaspillage de pognon incroyable qu'il y a partout pour faire, pour monter des usines à gaz que seule la République française. Il y a quelqu'un qui a le secret de ça, quoi. Ça n'existe pas autre part. Ouais, oui, c'est une expertise mondiale. Oui, t'as des associations Théodule qui vont payer des guides pour promener des nègres tant dans les monuments historiques ou même dans les bibliothèques. Hein. C'est ça la France maintenant. C'est généralement la femme du conseiller municipal ou du maire ou d'un membre du syndicat, tel. Enfin, tous ces incapables, tous ces improductifs, ils se recasent dans des places. Enfin, qui ne servent à rien, hein, sauf à vampiriser notre fric. Et c'est partout, mais dans le moindre village français, t'as ça. Dans le moindre village, tu as ces cafards qui viennent te piquer ton pognon. Ah putain, mais j'ai vu un article aujourd'hui. Ça répercute. C'est un suivi, en fait, parce que c'est en Alsace, un village du sud de l'Alsace qui s'appelle Fleurette. Non, Ferrette. Ferrette, où on a implanté, donc c'est un village de 700 habitants, on a implanté 80 demandeurs d'asile. Alors je vais pas vous le lire, c'est pas l'objet, mais juste pour dire, quand tu dis ouais le dernier village, etc., ah oui, ça c'est absolument vrai, et dans ce village-là, en fait, le maire, la gendarmerie est partie, il y avait une caserne vide, et la préfecture lui a proposé un deal, lui a dit « Ah bah c'est vrai qu'il va y avoir une baisse d'activité, il n'y a plus de la gendarmerie, mais, on peut transformer la caserne, on peut la transformer en zoo humain, hein. on peut vous amener de la cam, quoi. » Et lui, il a signé tout de suite, pourquoi ? Parce qu'avec ça, évidemment, il y a des incitations financières, vous savez comment ça marche, des subventions, des trucs. Voilà. Alors évidemment, la population tirait la gueule, mais le maire, il en a rien à foutre, hein, parce que d'ailleurs, on ne sait pas où il met ses mains. Et alors, il y a une photo extraordinaire, où tu as une mouquère en voile, tu as un espèce de vieux machin avec une moustache, on ne sait pas d'où il sort, c'est un basanais, un musulman. Et alors, lui, le maire assume le fait d'avoir été contre l'avis de sa population, quoi. Et maintenant, en fait... Alors c'était je sais plus quel journal qui récite, Le Figaro, c'était Le Figaro. Alors ils disent, tu te balades dans le village, t'as des Tchétchènes qui déambulent, des Soudanais, à un moment donné ils s'arrêtent, t'as une Nigériane, je pourrais pas vous dire, ça pourrait être un scénario de film si vous voulez. Ouais, non, et tu sais que, en fait c'est Attali hein, qui dit ça, enfin c'est un mantra. C'est voilà quoi, on va implanter du nègre et ces nègres vont créer leurs propres emplois pour pouvoir faire travailler les blancs qui n'en ont pas. Et voilà. Bon, si tu veux, nous quand on entend ça, bah forcément on entend le nez d'Attali qui raye le plancher. Mais il y a des gens dans les communautés de communes ou dans les départements, ils y croient. Hein. T'as des cons dans les conseils généraux, ils y croient dur comme fer, ces gros cons. D'autant plus que c'est... Oui, non, mais les élus en général, maintenant, c'est extrêmement peuplé de nanas, quoi. Hein, qui n'y comprennent rien, ou alors qui comprennent qu'elles vont se faire bourriquer par des nègres. Voilà, j'observe que la moyenne d'âge est quand même très élevée. Hein. Oui, très élevée. Hein, élevée juste au niveau qu'il faut... pour commencer à être en chaleur à la vue de quelques nègres, voilà. Ah oui, si elle pouvait éviter de payer des voyages à Saint-Domingue pour aller s'attraper le sida, c'est quand même mieux d'avoir ça à domicile, quoi. Hein. Bon. Tout à fait. Plutôt que d'aller en casamance se faire ramener par des cafres, hein, c'est quand même mieux si on peut être à domicile tranquillement avec l'argent du contribuable français. Avec pour l'honneur de la République. Au cas où ça dégénère. Hein? Avec la police française à disposition au cas où ça dégénère, c'est illégal, y a quand même le risque de gang-bang qui s'achève sur une décapitation et, et puis un barbecue. On rigole, mais rappelez-vous l'histoire récente en Normandie, hein, où il y a un couple de jeunes Français qui a été ignoblement massacré après avoir été violé par un migrant congolais. Oui, c'est vrai. Enfin, ça parmi tout le reste. Un couple innocent d'ailleurs. Oui, un couple complètement innocent, voilà, mais c'est juste pour citer, voilà. Les gens qui nous écoutent peuvent se dire, oh, non, mais là, quand même, ils exagèrent. Non, mais lisez les faits divers, je veux dire, c'est rempli de ça toutes les semaines. Je veux dire, un arabe clandestin d'Algérie, le type, il viole, c'est le quatrième viol et tout, machin. Les nègres sont quand même beaucoup plus développés dans la sauvagerie. Enfin, bon, le coup de la Normandie, c'était du oui. nègre. Hein. On pourrait quand même se demander quel... Enfin, entre l'animal sauvage, le prédateur sauvage de la brousse, je sais pas, un léopard, un guépard, un lion, tout ce que tu veux, et le nègre, qu'est-ce qui est le plus dangereux? J'ai tendance à penser qu'il s'agit du nègre. Qui viole qui, ça? Oui, non, qui bouffe, qui décapite, enfin, oui, le nègre, en plus d'être une arme bactériologique particulièrement efficace, est un... Enfin, oui, et... Non, c'est une arme biologique. Ah oui, tu veux dire qui, mais qui peut être biologique. C'est une arme biologique, mais qui peut être une arme bactériologique par destination. Aussi, effectivement, par destination, mais... Et toujours entre les mains des juifs. Toujours entre les mains des juifs, je précise aussi. Oui, bizarrement. Mais non, mais ces créatures-là sont particulièrement destructrices et plus sauvages que n'importe quel animal de la savane ou de la brousse. Hein. Alors pour en revenir au village en question, imaginez-vous, vous êtes en... Alors, déjà, je ne peux m'empêcher de dire que j'aurais souhaité qu'Adolf Hitler gagne la guerre. Ensuite, imaginez-vous, vous êtes en Alsace, dans un petit village, vous sortez dans votre rue. Alors, vous imaginez bien, dans un village de cette taille, des rues, vous voyez, vous en avez 3 ou 4, quoi. Hein, et vous avez quelques continents. Vous avez la Tchétchénie, bon, voilà. Ils ont quitté la Tchétchénie d'ailleurs, alors posez-vous des questions, pourquoi ils ont quitté le pays de Kadyrov, oui. Bon, posez-vous 2-3 questions, du Guinéen, du, comment dirais-je, du Soudanais, enfin, c'est incroyable. Non, mais surtout en Alsace, il y a 30 ans en Alsace, les types parlaient encore allemand, quoi. Enfin, de manière native, hein. c'est pas une blague, ça existait encore, et puis bon, ça se fait toujours chez les vieux. Le choc là, ça. Bah, ça me rappelle en fait un passage dans Mein Kampf où il dit que si on laisse la France encore livrée à ses passions, dans 3 siècles, en fait, le Congo s'étendra jusqu'au. Comment, non, l'Afrique, enfin, l'Afrique et le Congo s'étendra jusqu'au bord du Rhin. Oui. Bon, alors, en fait, ça a débordé. Ça a débordé, malheureusement. Mais le fait est que sa prophétie est quand même... Beaucoup de prophéties, n'est-ce pas? Et encore, je pense que par très grand libéralisme et peut-être encore un soupçon d'admiration, même non avoué pour la France, il a donné 3 siècles. Mais peut-être pensait-il un siècle, on ne sait pas. Mais, parce qu'en fait, ça va un peu plus vite que ce qu'il avait prévu. Bah, si tu veux, le colonialisme, il sera achevé quand les espèces d'États africains se réuniront pour pouvoir se partager la France. Ah bah tiens, tu me prends tel quota de territoire, toi tu auras droit à ça, toi tu auras droit à ça, voilà. Des cogestions avec la ville de Marseille gérée en partie par les Comores et l'Algérie, tu vois. Tiens, on se partage les quartiers, ça sera marrant, ouais. Comment dire, j'ai tendance à croire que la France va pas tarder à demander son adhésion à l'Union africaine. Ah ben François Lesfignot serait extrêmement enchanté de cette adhésion. Je suis sûr que, en plus, et très sérieusement, je suis sûr que Quai d'Orsay, on cogite ferme sur cette option. J'en suis sûr, que ce soit Macron ou les autres, enfin, rappelez-vous quand même le coup qu'ils ont fait là pour les commémorations du 11 septembre. Rappelez-vous l'espèce de négresse hurleuse. Le 11 novembre. Autant pour moi. L'espèce de négresse hurleuse là qui a été. Ils ont foutu sous le nez de Trump et du monde entier, accessoirement. C'était un message. Hein. Le triomphe. Triomphe, Saint-Jurleur, bon, il y a une verticalité là-dedans, tu vois. Et à la base, tu as l'Afrique. Je vois pas d'autre destinée à la France que d'être un trou à nègre. Hein. Je pense qu'il va se passer des choses, on va y venir dans la deuxième partie de l'émission. Je pense que ça se passerait comme ça si le nègre n'était pas le nègre, en fait. Si ça se passait calmement, en fait, si on laissait les Français aller jusqu'au bout de leurs rêves, on pourrait avoir ce problème-là. Mais comme les nègres et les musulmans sont tellement agressifs et haineux, le projet ne risque de ne pas être aussi... comment dire, risque de pas de prendre corps aussi régulièrement qu'il le devrait, en fait. Moi, j'ai quand même un petit rêve malicieux, si tu veux, c'est de voir la France gérée par des nègres et de voir gérer les centrales nucléaires, tu vois. Voilà, bah, je pense que... Allez, messieurs, excusez-moi, c'est très important. Allez sur YouTube, tapez centrale nucléaire Afrique et je vous en dis pas plus. Non, mais c'est déjà le cas, en fait, hein. Les gars, c'est qu'il y a des gros problèmes de recrutement et on a des centrales qu'on a du mal à arrêter, et en fait le problème à court terme, c'est pas de les arrêter, c'est de trouver des gens capables pour les entretenir, et c'est un fait connu, tu vois, que on a du mal à trouver ces gens, et que quand on embauche des personnes de couleur, des nègres ou des bougnoules dans ce genre d'entreprise, ça pose problème. Ça commence déjà à poser problème. Ah oui, c'est le début. C'est-à-dire que bon, ça a été quand même très bien construit avec immensément de sécurité. Mais la variable, la créativité du nègre en matière de conneries, je pense que ça n'a pas été suffisamment pensé au niveau de la sécurité. Ouais, bah, ils sont pris entre la connerie abyssale des nègres et les bougnoules qui peuvent péter un plomb à tout le monde. Ah, aussi, oui. Enfin, les bougnoules qui peuvent. C'est qui un peuvent... vrai problème. Non, tu veux dire des bougnoules qui peuvent embrasser leur nature. Oui, plutôt, on va dire ça comme ça. Je m'appelle Isidore de la Platée, je suis ingénieur civil en nucléaire et je suis en charge de cette magnifique centrale. Et tout fonctionne très bien. Non, mais dans les centrales nucléaires, tout le monde n'est pas ingénieur en fusion, hein. T'as besoin de jobs un peu cons où il faut juste respecter des consignes. Non, mais je sais que tu appréhendes l'arrivée des ingénieurs américains, mais ça va. Mais rien que ça. Rien que les nègres, quand tu leur demandes... L'entretien, ça fait déjà peur. Ouais, non, mais rien que des tâches basiques, si tu veux, le bon... Très basiques, ouais, ils ont déjà du mal. Alors, moi, je vous dis un truc, hein. Tu mets des nègres dans une centrale nucléaire, au bout d'une semaine, tu les vois en train d'essayer de pêcher dans la flotte, là. Non, bien sûr. c'est garanti. On essaie de refourguer du métal, tu sais. C'est sûr. Poisson, là, bien poussé, bien grandi, là. Bien grandi, poisson, là. Allez, messieurs, je vous propose de passer à la troisième rubrique. Les sales juifs de la semaine, une belle histoire de juifs pour réconcilier tout le monde. Je vous ai gâté là. The Times of Israel. Alors, les meilleures sources sont toujours les sources juives, car ce sont peut-être les plus antisémites à leur corps défendant, les plus accablantes. Alors, je vous livre cet article. Ce que l'on pensait être une attaque antisémite contre un café cachère à Winnipeg, au Canada, avait été une mise en scène par les propriétaires du restaurant, a maintenant affirmé la police. La police a inculpé pour actes délictueux les propriétaires du Bear Max Café et Bistrot à Winnipeg, au Manitoba. Excusez-moi. L'enquête sur l'incident du 18 avril a mobilisé 25 officiers de police et 1000 heures de travail d'enquête, a déclaré la police aux médias locaux. Le restaurant de la ville du centre du Canada a été vandalisé et recouvert de graffitis antisémites à la peinture, de bombes spray. On avait affirmé qu'une femme travaillant dans le restaurant avait été agressée lors de l'attaque. Il s'agissait de la quatrième attaque contre le café au cours des 5 derniers mois. Alexander Berendt, âgé de 56 ans, Oksana Berendt, âgée de 48 ans, et Maxime Berendt, âgé de 29 ans, ont été inculpés par la police et libérés, après avoir promis de se présenter au tribunal le mois prochain, n'ont rien plaidé. Dans un communiqué, le Nightbreed du Canada a dit qu'il était choqué et perturbé d'apprendre que la police pensait que l'acte antisémite avait été une mise en scène. Si les affirmations de la police de Winnipeg sont vraies, nous condamnons la mise en scène de ce crime raciste avec les termes les plus durs possibles. Faire de fausses déclarations d'antisémitisme ne fait rien pour enrayer la montée du racisme et des discriminations à Winnipeg et à travers le Canada. Cela va donner de la force aux adeptes de la théorie du complot et à ceux qui propagent la haine des juifs et qui rejettent tous les maux de la société sur la communauté juive, a déclaré le communiqué. La police n'a rien dit au sujet des autres attaques antisémites sur le café, sur lesquelles elle mène aussi une enquête. Une campagne de financement participatif pour soutenir la famille a été arrêtée après l'annonce que la famille était inculpée. On a promis de rendre l'argent déjà levé. Une veillée prévue jeudi soir en réaction à l'incident a été annulée. Le restaurant a perdu sa certification cachère en 2018 après avoir décidé d'ouvrir aussi les samedis. Oh putain, non mais la fin quoi, c'est le truc, les juifs tellement rapia, c'est qui, allez, pour faire encore plus de blé, on ouvrir le samedi quoi, le shabbat. Je précise aussi que c'est sur sa page Facebook, hein, le café organisait des journées dédiées aux transsexuels. Ah, oui. Qui pouvait rencontrer des enfants, et on voit de magnifiques transsexuels avec des enfants, d'ailleurs je le dis, d'origine raciale étrange, mulâtres, café hollandais, c'est pas trop, et donc des travelots très très contents de les avoir sur leurs genoux. Je ne vous en dis pas davantage. Donc c'était un café juif, kasher, tenté par des relations, par une plus grande compréhension entre les adultes qui changent de sexe et les enfants. Voilà, c'est... Sale juif, hein, putain. Oh, mais là, Alors vous notez, hein, l'observation du Bnaibrit. Donc alors Bnaibrit, parce que certains pourraient se poser la question, c'est quoi le Bnaibrit? C'est la maçonnerie. Alors, le Bnaibrit, juive. C'est la franc-maçonnerie juive, et alors c'est donc comme c'est une franc-maçonnerie et qu'elle est juive, elle est bien évidemment humaniste, tolérante et a pour première tâche de rapprocher les cultures. Mais bon, il y a quand même un petit détail, c'est qu'elle est strictement interdite aux non-juifs. Oui. Alors le Bnaibrit est choqué. Que la police pense que l'acte antisémite était mis en scène. Il n'est pas choqué que les juifs eux-mêmes aient fait, que des juifs aient fait des juifs, en fait. Hein. C'est effectivement, ça va pas les choquer. Ils disent, attention, des complots organisés par des juifs pourraient laisser à croire que des juifs organisent des complots. Oui. Le règne n'a jamais eu lieu. De toute façon, maintenant. Le côté false flaggers ouais. Des juifs va être tellement connu que de toute façon les insulter même pour être false flag, insulter les false flaggers reviendra à insulter les juifs quoi. De toute façon ce sera toujours les mêmes, ce sera toujours des juifs cachés derrière tous les false flags de la terre, tous ces petits trucs, ça c'est vraiment la combine juive par excellence quoi. Ils font ça aussi souvent pour arnaquer les assurances, ils font craquer l'allumette, enfin c'est des spécialistes de toutes ces merdes quoi. Et de faire brûler des cathédrales aussi, ils sont très doués là-dedans. Enfin bref, alors, permets-moi de t'interrompre et je te rends la parole tout de suite, mais ils ont même quand même poussé ce que tu dis, le mécanisme que tu décris, au niveau de la politique des États, hein, parce qu'ils ont quand même dit que Adolf Hitler les avait... brûlés dans des fours et puis transformés en savon et en saucisses pour ensuite extorquer de l'argent à toute une série de pays. Donc inventer des crimes imaginaires pour faire les poches aux gens, il y a quand même il y a un savoir-faire. C'est plus qu'un savoir-faire, c'est le principal savoir-faire. Oui, c'est l'identité juive quoi. Voilà, c'est simple hein. Donc en fait, c'est le principe de l'Holocauste, mais appliqué au niveau du café. Non, bah du coup, mais ça marche aussi pour les Canadiens, c'est-à-dire que bah, le zèle canadien, quoi, tu sais, le bon zèle du goy qui se dit « Merde, il y a les antisémites qui reviennent et tout, ils travaillent 1000 heures, tu sais, ils font des journées de 15 heures, ils divorcent avec leur femme, ils finissent dépressifs en burn-out pour un putain de Yutron qui a décidé de dessiner trois croix gammées sur son zinc, quoi. » Ah ouais, rage, t'imagines? Non, mais 25, hein, eh, attends, les non, mais là, sont peut-être à venir hein, pour eux, parce que la rage des flics, là, des 25 flics, quoi, ça doit être hallucinant. Non, mais au Canada, ils ont des communautés assez bizarres, d'espèces de acidiques totalement barrées qui foutent la merde, qui se font virer, qui se sont déplacés assez souvent, quoi. Hein. J'avais lu ça il y a quelques années déjà, ouais. Oui, récemment, on a parlé d'un film justement qui parle un petit peu de cette communauté hassidique, hein, juive orthodoxe, et qui traite donc du sujet de l'inceste, hein, donc du fait de baiser ses gosses. Alors, c'est communément répandu chez les juifs en général. Hein. En juif en général, mais chez les hassidiques, c'est de l'ordre de la pratique religieuse, c'est ça que je veux dire en fait. Possible. Ouais, donc voilà, enfin tout ça pour dire, tu dis ouais, il y a des communautés un peu bizarres. Oui, c'est vrai. Il y a un film récemment primé là, comment dirais-je, qui revenait là-dessus et qui a été d'ailleurs réalisé par, je crois, une juive, hein, me semble-t-il. Donc qui a peut-être aussi eu à subir des problèmes familiaux, on ne sait pas, mais quelque chose l'a motivé pour faire un film sur ce sujet. Oui, je crois que le film s'appelle M. Ah voilà. M, la lettre. Je sais pas comme ce que ça veut dire. Ouais. Tiens, je vais faire parler un peu Fulbert, là, des juifs qui perdent leur certification, envie de bosser un peu les jours de Shabbat, ramasser l'argent des coyes, faire bosser 25 flics pendant 1000 heures, ça te parle, ça, je pense que toi, ça... Toi qui as quand même... t'as un petit faible hein, pour la communauté juive, ça doit t'inspirer, ça. Ah ouais, absolument, oui. Ben, je disais encore tout à l'heure quelque chose à leur sujet, mais leur méthode, il n'y a rien à faire, elle ne se renouvelle pas. Il y a des milliers d'années qu'ils ont commencé avec certaines méthodes pour parasiter toutes les communautés chez qui ils sont, enfin toutes les nations chez qui ils se sont installés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais si demain les Juifs s'installent, je sais pas moi, chez les Lapons, ils vont faire chier les Lapons, ils vont mettre des croix gammées sur les igloos et d'autres encore. Ça va pas rater. Ils changent pas, ils changeront jamais. Rien à faire. Je crois qu'il faut, enfin, je sais pas ce qu'il faudrait leur faire pour changer ces gens. Ben, ils sont. Oula. Là. Oui, ça il se passe quelque chose. C'est un programme, hein, changer les juifs. Le Christ a essayé, il n'avait pas tenu jusqu'à notre âge. Hein. Tu veux les changer en quoi? En abat-jour? En savon? Moi, pas. Bah, ouais, oui. Ben, il y a le mythe de la sublimation du juif, transformé d'état solide à état gazeux. Bon, c'est une piste à explorer, je ne sais pas, mais bon. A priori, changer lui, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Non, le truc le plus vache qu'on peut leur faire, c'est les mettre tous ensemble au même endroit et qu'ils puissent pas sortir. Ça, c'est le truc le plus horrible que tu peux faire à des juifs. Ou les faire travailler, ça, ils aiment pas trop travailler. Bah, c'est ce que je veux dire, il faut les mettre entre eux. Alors là, tu vas voir que... Non, mais c'est-à-dire qu'Israël, le pire truc qui puisse arriver à l'État d'Israël, par exemple, c'est que ce soit un État en paix. D'accord? Non, c'est qu'ils ont 25% d'Arabes. Parce que du coup, il faudrait des juifs pour les sortir, tu vois, traiter les poubelles. Non, mais je vais aller jusqu'au bout de mon truc. C'est-à-dire, le pire truc qui peut arriver à l'État d'Israël, c'est que l'État soit en paix. C'est-à-dire que le jour où il est en paix, il n'y a plus d'ennemis communs à désigner, etc. Il y a des plus Arabes de flics qui rentrent pour protéger, machin. Et je peux te dire que tout ce beau monde s'entrégorge. Ça, c'est garanti. Ils sont arnaque d'abord et ensuite ils s'entrégorgent. Je pense d'ailleurs que les séfarades. Oui, ils n'auraient pas une espérance de vie très, très importante, parce que l'Europe de l'Est est quand même extrêmement assoiffé de sang. Hein. C'est surtout que l'Ashkenaz, quand même, pendant des siècles, a eu pour loisir, et pour loisir divin, d'égorger des enfants goy pour boire leur sang. Hein. Bon, oui, voilà. Ah bah oui, il y a ça, il y a la haine du goy le Talmud vient de là-bas, quoi. Non, mais le goût du sang surtout, hein, le goût du sang. Oui, c'est vrai, il y a un vrai goût du sang chez les juifs. Hein. Ouais. Ah, ça le plonge dans un état second. Alors mes amis, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. We'll be right back.

Alors, chers amis, nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, décidément placée sous le sceau, du nègre, notre dieu. Notre dieu, le dieu des Français. Ouais, le dieu des Français, voilà, la figure tutélaire de la République française, un tout petit peu en dessous du juif, mais bon. Disons que c'est pour la plèbe, enfin, c'est pour la plèbe. Le juif, oui. C'est déjà pour les catégories moyennes supérieures, on va dire. Alors, chers amis, rubrique numéro 4, négrolatrie. Négrolatrie, et vous allez voir que il n'y a pas meilleur terme. Alors là, je vais citer La Dépêche, et nous allons aller vers Toulouse. On dit souvent du bien de la ville de Toulouse, hein, quand même, hein, je vous ai remarqué. Surtout hein. Moi. Bah d'ailleurs, l'auditeur qui nous a expliqué son cheminement intellectuel et politique en début d'émission hésitait, enfin il a dit « Oui, bon, j'attendais des faits, parce que quand même, j'ai trouvé un peu Démocratie Participative de prime abord. » Peut-être un peu caricatural, ouais, jusqu'à ce que je vive à Toulouse. Ouais, jusqu'à ce que je foute les pieds à Toulouse et que je prenne conscience qu'en fait, non, Démocratie Participative n'est pas un site satirique, c'est une revue scientifique. Il n'y a absolument aucune exagération dans les propos que nous tenons, tout est absolument mesuré. C'est une description neutre. Neutre, exactement. je suis extrêmement neutre. La seule petite erreur que j'ai repérée en 3 ans d'émission, c'est sur les Espagnols où effectivement ils ont mal perçu qu'ils se sont débarrassés de ces déchets. On a parfois cru bon d'imaginer que l'Espagne était un sac à foutre comme l'était la France. Mais en fait, l'Espagne s'est débarrassée de ces déchets qui sont tous à Toulouse justement. Ah putain. Alors, faut pas me chauffer l'Astérix. Hein. Alors, La Dépêche. L'association France Côte d'Ivoire, basée à Toulouse, a organisé son gala annuel ce dimanche de Pâques à la salle des fêtes de La Fourguette. De nombreux élus s'étaient déplacés pour cette manifestation, comme le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, dont je précise qu'il appartient au parti Les Républicains, pour nos auditeurs. La droite sécuritaire, la droite dure. Alors, l'adjoint de Cugnot, François Jacques, ancien lieutenant-colonel du 1er RTP de Franck Azal, je ne connais pas, pour qui l'Afrique n'a aucun secret, tout comme sa gastronomie qu'il affectionne tout particulièrement. Je présume aussi les négresses, mais ça c'est une digression. Alors, impossible que les convives soient privés de victuailles au risque de voir votre réputation complètement ternie, précise Paulin Sahiri, président de l'association France Côte d'Ivoire. De plus, la salle est spacieuse, la décoration parfaite, avec le célèbre déshabillé de banane plantain sur la table. Après tout, ce plat ivoirien a désormais une renommée mondiale. Ajoutez à cela du foot à la sauce graine, du tchep et le fameux poulet kedjenou, et quelques petites pâtisseries supplémentaires, et vous avez le repas type ivoirien. Invité pour l'occasion, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, après avoir revêtu le costume traditionnel, a été fait pour la soirée chef coutumier ivoirien. Jean-Luc Moudenc, tout sourire, s'est prêté avec beaucoup d'empathie à cette tradition africaine. Je salue tous les organisateurs de cette manifestation, ainsi que les conseillers régionaux, départementaux et mes adjoints qui se sont joints à moi pour cette soirée de fête. C'est avec grand plaisir que je remercie également la communauté africaine de Toulouse pour qui j'ai bien voulu jouer ce rôle ce soir. Ce n'est pas tous les jours en effet qu'un maire de Toulouse joue un si beau rôle avec le sceptre et une couronne. Ah oui, hélas, on ne peut pas communiquer la photo, hein, par définition. Il y a une magnifique photo avec cet article où, effectivement, Moudenc est habillé en roi nègre. Et il a le sceptre, il a le boubou, le tableau est complet. Un petit regret quand même, la négresse qui manque avec les nichons à l'air. Ça, je dois dire quand même que j'aurais aimé voir ça, mais bon, voilà. Et puis la jupe en banane. Et la jupe en banane, voilà, exactement. Alors... voilà. Alors, on se fout souvent de notre gueule en disant qu'on raconte absolument n'importe quoi. Écoutez, le maire de Toulouse qui n'est pas un village. Hein, je précise, c'est pas un village. Malheureusement. C'est la cinquième ou sixième ville de France, je crois. Voilà. Ah, bon, avec des trucs comme Airbus, des choses comme ça. Bon. Il se passe des choses à Toulouse. Hein. Alors, Derek, je te sens transfiguré par... Alors, t'as vu la photo, Derek ? Oui, oui, oui, j'ai vu... Chatoyant, rutilant. Moudenc en roi à Caen, de Côte d'Ivoire, dans son pagne avec sa coiffe et son sceptre. Alors bon, moi, ce qui me fait bondir dans l'article, c'est la célébration de la gastronomie ivoirienne, si tu veux. Oui. Bon, pour avoir goûté au poison en question, quand on me voyait me parler de banane plantain comme... une célébrité gastronomique de renommée mondiale. Alors oui, je veux bien qu'il y ait des nègres absolument partout dans le monde, hein, donc c'est effectivement la chose avec une renommée mondiale, mais c'est ignoble, hein, là, c'est une banane légume, en fait, c'est pas comme la banane fruit, c'est des espèces de machins qui font cuire dans une huile pourrie, et que quand tu bouffes ça, tu te chopes 15 jours de chiasse, hein. Alors, c'est automatique. Et bon, c'est ignoblement gras, c'est horrible. Le foutou à la sauce graine. Alors, le foutou, c'est cette même banane cuite dans l'huile qui ils en font une pâte avec. Ils en font une pâte. Ça fait une espèce de machin jaune, jaune marron. C'est ouais. Dégueulasse. Hein. Et ils c'est un vrai négrologue, en fait. Ah ouais, ils y foutent la sauce graine. La sauce graine, c'est la graine de palmier. C'est-à-dire que c'est l'huile de. C'est le machin à partir duquel on fait l'huile de palme. C'est immensément gras au possible, mais alors c'est plus que ça. Quoi. Ah, alors déjà, si gras, alors j'imagine que les nègres doivent ouais, alors, dire rien qu'à la vue de ce truc-là. Ah ouais, oui, non, mais c'est pas ça. C'est que le truc de banane plantain, je sais pas. C'est comme si tu bouffais du comme si tu bouffais de l'amande amère, tu vois, enfin, je sais pas, c'est dégueulasse. Hein, c'est dégueulasse, ouais. Ah, c'est absolument ignoble. Et bon, après... Bon, le poulet Kedjenou. Bon, ça, effectivement, bon, c'est du poulet en sauce, c'est somme toute assez classique. Hein, le poulet avec des légumes cuits, c'est assez commun, ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait chez nous, quoi. Hein. Mais alors, le tchep, peux-tu m'éclairer? Ouais, c'est machin au poulet aussi. D'accord, poulet. Quoi. Ah, mais c'est incroyable, Derek, t'as été bouffé dans un restaurant ivoirien. Ah non, lui c'est un négrologue, il a sa chaire à Paris, on t'a dit. Moi j'ai ma chaire de négrologie et j'ai mon église. Hein, voilà. Mon église de la religion française, de la négrolatrie. C'est le sujet de cette rubrique. Voilà, alors, vivifiant de Toulouse, qui d'autre veut me parler un petit peu de Moudenc ? Moudenc qui a crisé cette semaine, il a pété une durite, bah, peu après avoir été couronné roi nègre. Il ne voit rien, je ne sais pas par quelle ethnie d'ailleurs, c'est dommage que ce ne soit pas précisé. Bah, vu la tenue, c'est les ethnies du... ça ressemble aux c'est ethnies le sud. Du centre. Non, du, ah, du centre. D'accord. Après, le Paulin Saïri, lui, il a un nom qui est plutôt de l'est de la Côte d'Ivoire, l'est ou du sud, du côté des lagunes. Ah, bah voilà. Nos auditeurs sont absolument ébahis par les connaissances négrologiques du nécrologue. Ouais, il me fait rêver, moi. Il faut savoir que c'est Derek qui a formé Bernard Lugan. C'est ça. Ah, sur la Côte d'Ivoire, je le prends, ouais, pas de problème. Comment dire Donc Moudenc a pété un câble, sitôt la couronne de roi nègre posée sur sa tête, et probablement le pubis d'une négresse dans l'autre main, pour dire que c'était un scandale, parce qu'ils étaient submergés de nègres, mais non pas pour dire qu'il fallait les renvoyer chez eux, mais que la France, l'État français, et que Macron devaient faire un grand effort pour accueillir tous ces réfugiés, dit-il. Et alors, la demande que Moudenc a formulée avec quelques autres maires, dont Hidalgo d'ailleurs, c'est de ventiler du négro partout. Voilà, il a dit, voilà, on en accueille, on en veut. Et alors, il y a même eu, j'ai lu ça aussi, donnez-nous de l'argent, des bâtiments, on a les gens pour les remplir. Voilà, le mot d'ordre de Moudenc. Mettez un pygmée dans chaque bol de riz, prêt à leur plomber les molaires, comme dirait Marcellus Wallace. Quoi. Ah, ça me fascine, moi. Alors, Toulouse ibérique, Toulouse rouge, Toulouse c'est, je sais pas. Il y a encore des Français à Toulouse? Ça existe encore un peu? Ouais, ça s'appelle des Espagnols. Ouais, donc les Gaulois, ça a disparu vraiment totalement. Les Espagnols, d'ailleurs, tu as certains Espagnols qui ont une couleur à... Ils sont bruns, on va dire. Ils sont bruns. Non, t'as tous les Narbonoïdes aussi sur Toulouse. T'as tous les Castrets, les mecs comme Moscato. T'en as plein sur Toulouse et c'est eux qui sauvent la région. Alors après, c'est des gens un peu simples. Hein. C'est des gens, au bout de 5 bières, ils peuvent être un peu comme des Maoris, tu vois. À se foutre sur la gueule, à se mettre des coups de front, c'est assez sauvage comme endroit. Mais finalement, c'est quand même eux qui font conserver à cet espace français encore un minimum d'humanité, quoi. C'est les seuls individus qu'il est peut-être bon de rencontrer sur Toulouse, c'est les Moscato et compagnie qui se foutent sur la gueule et qui, enfin, c'est des espèces de facochères, quoi. Hein, mais bon. Oh, attends, moi Toulouse, c'est ni le rugbyman, ni l'ingénieur de chez ADS que je vois. Hein. C'est le punk à chien, le narmodoïde, et puis le gitan. Bon, ouais, vous croyez qu'il n'y a pas les campagnes, la Castres et tout ça, ils vont pas travailler sur Toulouse, tous ces mecs-là, là, les gros bourrins qu'on retrouve dans ces campagnes, là, les gros bouffeurs de cassoulet qui pèsent entre 90 et 110 kilos? Ah si, peut-être, ça peut être. Dans les campagnes, effectivement, il y a encore du français. Ouais, mais ils doivent bosser sur Toulouse, c'est comme tout, tu vois. Il doit y avoir les paysans qui bossent chez eux, et puis après, t'as ceux qui ont des boulots un peu urbains, et ils bossent sur Toulouse, donc je pense que c'est... Enfin bref, mais tout le reste, c'est à foutre à la poubelle partout, hein. C'est... Bah, disons que Toulouse, c'est tu as l'amour du nègre et le gauchisme. Et moi, ce que je retiens de Toulouse, la seule fois où j'ai foutu les pattes, c'est le gauchisme et le nombre de punks à chiens absolument ahurissants qui jonchent le centre-ville. Et je n'ai jamais croisé une ville en France à ce niveau. Décrit comme ça, moi, j'ai l'impression d'entendre parler de Rennes, là, tu vois. En fait, Rennes et Toulouse, c'est un petit peu la même chose. Par exemple... Il faut savoir que la plupart des Black Blocs du Sud-Ouest sont issus de Toulouse. C'est une ville qui, depuis des décennies, appartient à la gauche, quoi. Alors c'est vrai que on pourrait éventuellement dire, comme Derrick, que ça vient de la contagion des descendants de réfugiés communistes espagnols là-bas. Allez savoir. Bah, ça n'a pas aidé, c'est certain. Non, mais il y en a énormément. Hein, ils représentent 50% de la population. C'est comme les zones comme Nice, il y a énormément d'Italiens, Chamonix, tout ça. Enfin, toutes les zones frontalières, Annecy, tout ça, il y a énormément d'Italiens. Et vous allez dans toute la zone des Pyrénées. Là-bas, chez les Basques, bon, bah, ils ont des noms basques, mais les Pyrénées, c'est totalement hispanisant, quoi. Et sur la côte, là, vous hallucineriez à savoir à quel point les mecs sont catalans aussi. Ils en ont rien à foutre de la France. Ils sont moins catalans que les Espagnols, quand même, les catalans français. Mais ils sont quand même catalans. Les mecs, encore, t'as encore des jeunes de notre âge qui parlent le catalan. Alors que le catalan est de l'espagnol extrêmement dégénéré. C'est de l'espagnol parlé par des juifs consanguins. Enfin, c'est... Franquiste qui revient. Non, mais en même temps, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de jeter la pierre à Astérix, parce que la Catalogne, c'est quand même un bastion de la gauche purulente, quoi. Faut quand même être. Vous vous rendez compte en quoi ils ont transformé un des coins les plus beaux d'Europe en un foutoir au sens littéral. Déjà, c'est la plus grande zone de trafic humain d'Europe, à mon avis, juste derrière Sarajevo, quoi, juste derrière le Kosovo. T'as tout de suite la Jonquera et toutes ces merdes où t'as de l'équatorienne, du transsexuel et tout vendu à outrance. Et puis ensuite, enfin, toute cette zone ressemble à rien. Ils ont transformé une côte qui est magnifique, qui est quasiment aussi belle que notre côte méditerranée. Ils l'ont, la Costa Brava, là, c'est magnifique tout ça. Et ils l'ont transformé avec des gros buildings et tout. Non, les Catalans sont en dessous de tout, quoi. Franchement, ils ont pas du tout l'esprit. Tu vois, moi, j'aime bien les Corses, les Bretons, j'aime bien les identitaires. Moi, je suis pour les identités fortes. Mais en fait, le problème problème de la Catalogne, c'est que c'est une identité par anti-identité, en fait. Leur seule identité, c'est de faire chier le reste de l'Espagne, c'est tout, et de se prendre pour des héros parce qu'ils sont dans une zone ultra favorable à l'économie. Et donc, en fait, depuis la nuit des temps, c'est une zone qui brasse beaucoup, et donc ils sont, à l'époque de l'Espagne conquérante, bah, ils étaient dépendants de la couronne, parce qu'à l'époque, la couronne ramenait énormément d'or de toutes les colonies et tout ça, donc la couronne était extrêmement riche, et du coup, la Catalogne, là, c'était des petits paysans, des petits pêcheurs, des petits mecs tout à fait respectables. Pour le coup, à l'époque, ils devaient être plus respectables qu'aujourd'hui. Puis ensuite, c'est un peu les mêmes histoires que chez les Belges, en fait. Il y a eu un renversement, tu vois. Avec l'époque moderne, d'un seul coup, cet endroit où il y avait que des petits paysans, des petits pêcheurs, s'est transformé en un énorme lieu de tourisme et tout. Et eux, au lieu de le préserver, d'en faire un lieu de tourisme élitiste ou quoi, ils ont transformé ça en foutoir où tous les bougnoules, dès qu'ils ont plus de 18 ans, ils vont là-bas et ils vont se farcir de la pute espagnole, de la pute équatorienne pour pas cher, pour 30 euros la passe. Non, c'est vraiment horrible, cette zone, quoi. Bah, ils ont actuellement à Barcelone une mère Antifa. Les gens ne le savent pas, peut-être, ça. Ils ont une mère Antifa. Si, elle se prend en photo, elle a pris en photo dans sa communication officielle, où vous la voyez en jupe, je crois qu'elle est plus ou moins en jupe, elle écarte les pattes et elle pisse. C'est pas un trucage, hein, c'est authentique. Et elle, c'est sa façon de dire, bah, moi je suis une femme, je suis une féministe, je suis antifa et je pisse debout comme un mec. La mère de Barcelone, voilà. Et au milieu de la rue. Et au milieu de la rue, oui, et au milieu de la rue. Bon, Acacolo, je crois son nom. Acacolo. Ah, je sais pas, mais bon, c'est. Ouais. Et alors, pour vous dire à quel point Barcelone. Alors, je pense qu'il faut pas amalgamer Barcelone et la Catalogne. Parce qu'il y a une Catalogne de l'intérieur aussi, qui est différente quand même, somme toute. Hein. Ah oui, qui est brave. Une Catalogne rurale. Il ressemble quoi. Au Catalan dont j'ai parlé de l'époque où l'Espagne était riche et où il dépendait limite de la couronne, quoi. Ouais, donc il y a une Catalogne de l'intérieur qui est beaucoup plus rurale, etc. Donc eux, ils sont pas là-dedans, mais Barcelone et les côtes, bah, c'est un peu toujours la même, voilà. Là, c'est très différent. Et donc il y a la mairesse en question, mais je voulais souligner quand même ce point-là. C'est quand même un aimant à chiasse, puisque Valls a choisi de s'installer là-bas. Imaginez-vous. Je veux dire, Valls est parti finir sa carrière politique à Barcelone. Il aurait pu. Si sa passion c'était, je ne sais quoi, l'Espagne, machin, parce que par ailleurs il est ultra anti-séparatiste et tout, machin. Mais je sais pas, il aurait pu aller quelque part ailleurs en Espagne, ou faire de la politique nationale. C'est un Catalan. Hein. C'est un Catalan, mais il est anti-nationaliste et il va dans un des épicentres de l'indépendantisme. Il va là-bas et il va grenouiller là-dedans, etc. C'est quand même particulier. Hein. C'est particulier. Hein. Mais c'est un type qui est issu de la très très grande bourgeoisie de Barcelone. Mais attention, hein, vraiment le top du panier. Oui, d'ailleurs, ses parents s'arrangeaient très bien avec le régime de Franco. C'était pas du tout. Enfin, c'est marrant, quoi. Ils sont socialistes quand ils passent les frontières, quoi. C'est ça qui est marrant avec ces métèques. Et les types arrivent en France, tu sais, les mecs, ils sont archi-républicains et tout, tu vois. Puis dès qu'il y a un problème dans leur bled à la con, tu vois, ils se disent prêts à mourir pour préserver la couronne espagnole. Enfin, c'est ça, en fait. C'est no pasaran, mais pour la gamelle, je passe les Pyrénées sans problème. C'est ça, voilà. C'est la fameuse internationale socialiste, en fait. Voilà. Bon, voilà. Personne n'a jamais relevé ça, d'ailleurs. Hein, je veux dire, si, parce qu'il nous dit, parce que Valls, rappelez-vous des discours enflammés de Valls. Emmanuel Ratier avait fait une enquête sur lui. Valls, c'est ça, ouais. Tout à fait. Mais rappelez-vous des discours enflammés de Valls sur la République, quoi. Et les Juifs. Voilà. L'avant-garde de la République, avait-il dit, même. Il en tremblait, il en bavait, quoi. Ouais, il était là, la République, d'accord. Bah, à croire que même... tu vois le... Et, non, mais je veux dire à quel point, il parlait comme ça à l'époque, il y a peut-être 65 millions de Français, quoi. Donc, bon, oui, une quinzaine de millions de métèques aussi, mais vraiment comme si l'alpha et l'oméga de toute formule politique sur cette terre, c'était la République française, quoi, d'accord. Puis le mec, il se casse en Espagne, et maintenant il chante les louanges de la couronne espagnole, quoi, catholique. Bon, je veux dire, des escrocs comme ça, ils font carrière très simplement. Quand il a envie de donner son avis sur la politique française, on lui tend un micro, tout va bien. Bon. Même BHL était choqué derrière Valls à l'époque de sa tirade. Même il haussait les sourcils, il faisait « putain, il en fait trop le goy ». Mais je me rappelle, non, mais c'était sur les strates, c'était vrai, hein, il était vraiment là. Et c'est vrai que, ou alors, Astérix, t'as peut-être raison, il s'est dit d'en faisait trop, ou alors il avait particulièrement chargé sur les amphétamines ce coup-là. Oui, c'est peu... possibilité. Avec la chemise en sueur, non mais c'était un gros... Ouais. Et moi j'ai eu très très peur, hein, parce qu'à un moment donné, ils nous ont vendu Valls quasiment comme Macron. Alors ça n'a pas duré longtemps, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un assez mauvais candidat et qu'il en faisait peut-être un peu trop. Mais à un moment donné, je me suis dit, putain, c'est pas possible, quoi. On n'entend parler que de lui. Ils vont nous le foutre à la présidentielle. Il s'est planté, et tant mieux. Il s'est pris quel score en partiel, je crois, 6%, minable. Mais par contre, t'as raison. Je me rappelle, il poussait ce canasson dans Paris Match, exactement comme aujourd'hui. Mimi Marchand pousse Macron avec toutes ses couvertures, etc. Mais ils ont essayé de nous faire le même coup avec... Avec Valls, quoi. Il nous essayait de nous présenter la romance de Valls avec sa violoniste. Ah, la Youpine. Ah là là, Yankovic. Oui, je suis lié par ma famille. Oh là, putain. Bah, il est délié depuis, hein. Il est délié, ouais, mais par contre, il est retourné à ses premières amours parce que là, il s'est maqué avec une héritière d'une très puissante famille espagnole, mais je veux dire, des oligarques qui sont vraiment extrêmement riches. Quand je dis extrêmement riche, c'est extrêmement riche. Et le socialisme, c'est beau. Voilà, donc... Bon, voilà. Et donc, pour en revenir à notre point de départ, visiblement, la Catalogne, l'Espagne, Barcelone... Voilà, et qui est jamais très éloigné de Toulouse. Parce que je crois qu'il revendique même les espèces de bolcheviques et d'anarchistes toulousains revendiquent leur relation très fraternelle avec leurs camarades de Barcelone. Hein. C'est vraiment... Moi, j'y étais à Barcelone. Il y a des squats énormes de rouges et d'anarchistes. Enfin, quand je dis énorme, c'est gigantesque. Hein. C'est occupé, etc. Les drapeaux sont déployés, drapeaux rouges. C'est particulier comme ambiance. Hein. C'est particulier. Hein. Ah ouais. Et bon, évidemment, il y a aussi... Maintenant, c'est une ville très cosmopolite. Et puis, de temps en temps, il y a un attentat djihadiste. Je parle des attentats à Barcelone. À coup de camion pour rouler sur les gens. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Putain, mais c'est dingue, hein, quand même, on vient de vivre une période de guerre, et en fait, c'est incroyable, quoi. On est tellement abreuvé de merde chaque jour, un nouveau saut de merde efface le saut de merde de la veille, quoi. Et c'était juste après Nice, je crois, non, c'est il y a 2 ans, hein. Ouais, c'était ça, là, mais si tu veux de l'attentat sur Toulouse, bon, sinon, t'as l'iconique, évidemment, Mohamed Merah, hein, qui est... Je pense que si on attend aller encore 20 ans, 30 ans, je pense qu'on pourra commencer à voir à Toulouse des avenues Mohamed Merah. Hein, attendre un peu encore, quoi, mais ça vient. Il faudra quand même attendre que Cohen se soit barré. Parce que... Oui, c'est quand même un sacré nid à juifs à Toulouse aussi. Hein. Bah oui. L'antifascisme, les juifs, tu sais, ça. Et c'est fait bon ménage. Hein. Et puis il y a une base opérationnelle qui est tenue. J'ai mangé son nom. Vous savez, il gère tout un groupe de presse dans le secteur. Bellet. Ah oui, Jean-Michel. Oui. Comment il s'appelle son Midi Libre. C'est ça, voilà. Et franc-maçon du Grand Orient, ça va sans dire. Et puis accessoirement, avec maman un peu juive. Voilà. Et qui a quitté l'Algérie. C'est marrant, hein, quand même. Hein. Ouais, ça pue l'Orient, tout ça. Oui, en tout cas, c'est... Alors, j'ai lu avec stupéfaction, puisque, vous savez, j'aime un peu l'histoire, et du coup, je me suis un peu référé à l'histoire française de Toulouse. Enfin, à l'ère française, parce que maintenant, on a basculé dans une nouvelle ère, quoi. Et alors, est-ce que vous savez que jadis, la ville de Toulouse a été prise par Clovis ? Le franc Clovis. Saviez-vous ? Non. Vous saviez... Ah, vous le saviez pas. Il a conquis la ville, qui a été reprise depuis, hein. Vous l'avez bien compris. On l'a bien compris, voilà. Par la coalition infernale, donc des punks à chiens, des juifs ayant fui d'Algérie. Et... Voilà. Non, Maurras parlait de 4 États confédérés. Maintenant, je pense qu'on en est facilement à 25 ou 30. Hein. Avec les W, machin. Ah, oh. Non, là, je crois qu'on a... On a dépassé le truc. Là. Bon. Alors, les amis, évidemment, un salut amical à tous les Français qui essayent de survivre à Toulouse, on pense très fort à vous. Comment dirais-je, faites attention quand vous allez au distributeur de billets. Hein. Il pourrait y avoir un mec en scooter qui arrive. Comment dire, bon, faites gaffe. Hein, bon. Alors, parlons social. Ou racial. En français, ça peut être maintenant synonyme, quoi. Alors Macron est clairement en campagne électorale pour les européennes. Il a délégué Jean-Michel Blanquer comme un de ses fers de lance pour porter la parole présidentielle et être une force de proposition. La France attend des nouveautés et pour le coup, je dois dire que Jean-Michel Blanquer, là, il a brillé par son imagination, son talent créatif. Il a fait une proposition radicale. Inédite, j'avais jamais entendu parler de ça, il a proposé de nourrir les nègres en France pour rien, ou plus exactement aux frais des Blancs. Voici ce que nous dit France Info, c'est très intéressant. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, présente et détaille officiellement mardi 23 avril le dispositif des petits déjeuners gratuits à l'école. Gratuit, hein. Pour les enfants des quartiers défavorisés. Beaucoup de films. Les nègres. Non, donc, nos auditeurs qui ne me comprendraient pas, il faut oui. Préciser. Oui, tout à fait. Donc, une mesure sur la base du volontariat. Jean-Luc Ginder, économiste, à l'initiative d'un appel au petit déjeuner gratuit pour tous les enfants scolarisés, a estimé mardi matin sur France Info qu'il fallait rendre cette mesure obligatoire, car selon lui, le petit déjeuner est, je cite, « un élément d'intégration dans la société ». Intégration par la biscotte. C'est ça. Alors on comprend. En fait, quand on lit leur truc, on comprend jamais rien. Bon, c'est toujours très flou, abstrait. Bon. Alors, ils lancent un appel aux maires pour qu'ils consacrent une part de leur budget à cette cause. La main à la poche, messieurs. Alors donc, en fait, on a interrogé ce spécialiste, Jean-Luc Ginder. Je ne suis pas formel. Et suspect. Hein. C'est suspect. Alors, il faut souligner. Alors, mais par contre, il est communiste. Mais ça, c'est pas marqué dans le truc. Mais c'est un communiste. Hein. Alors, il faut souligner qu'en France, 157 000 enfants naissent pauvres et 2,8 millions le deviennent dans les 10 ans à venir. Cela dit tout de l'état de notre société. Quand on parle de la pauvreté des enfants, ce sont des critères internationaux. Ce sont des enfants qui vivent avec 2 à 5 euros par jour pour s'alimenter. Lorsqu'on est tout petit, on ne sait pas, on est innocent de tout. Vous ne pouvez pas laisser un quart des écoliers de petite section ou de section de premier degré sans petit déjeuner le matin, parce qu'à partir de ce moment-là, vous les laissez dans la pauvreté. Il faut le rendre obligatoire. Un enfant sur 5 ans de ce pays a besoin de 6 générations, c'est-à-dire 180 ans, pour sortir de la pauvreté, c'est-à-dire pour arriver à un niveau de 1400 euros par mois. Alors là ça devient, hein, c'est des calculs d'apothicaire, à mon avis, du sentier, parce que ça c'est... bon. Alors, je vais pas détailler sur son truc, on s'en fout. Alors, donc, mais c'est très clair, 157 000 enfants vont recevoir un petit déjeuner parce que apparemment leurs familles sont fauchées dans les quartiers défavorisés. Évidemment, c'est pas les villages, hein, de l'Auvergne, voilà, c'est sûr. Voilà, ça ne sera pas les régions pauvres, oui. De la Creuse ou autre. Non, en fait, il n'y a pas qu'un critère, je veux dire, de revenus. C'est un critère dit géographique, mais qui oui, géographique, voilà. rime avec ethnique aussi. Non mais c'est marrant, ouais, les races n'existent pas en France, hein, officiellement, voilà, non, république, tous pareils, etc., mais quand même, même si tu es pauvre, bon, mieux vaut que tu sois nègre. Alors on parlait de roi nègre avec ce brave Moudinque qui a été donc fait chef coutumier ivoirien. J'oserais dire que Macron est l'empereur des nègres, hein, l'empereur des nègres, et il envoie des signaux électoraux, et alors il a tout compris, hein, je pense qu'il est bien conseillé par Ndiaye, hein, sa Sibeth Ndiaye, qui fait du maraboutage. Il y a à manger gratuit là, Gratuit là, claque. Ça glace. Le geste de ralliement des nègres à Macron, c'est le fuck, là. Vous savez, c'est que lui a fait l'antillet, là. Ça veut dire... Ouais. Je suis derrière toi, mon pote, mais je suis derrière toi pour de vrai, quoi. Avec la trique plantée droit dans ton petit cul de... dans ton petit cul serré de banquier, quoi. Mais comment dire, je veux dire... Non mais pour le coup c'est ça quoi, je veux dire, tu utilises le mot gratuit, banlieue, ça y est, je veux dire, ta cote de popularité, ouais, c'est bon, le pognon va pleuvoir. Alors évidemment c'est pas gratuit, je le disais. Ah non, hein, parce que les maires, non, ça serait bien qu'ils contribuent un petit peu plus au budget, tu vois, les types qui sont là à tirer la langue, il faut que les gens payent plus d'impôts, hein, voilà, pour... Donc pour les nègres, nourrir, c'est bien clair. Pour nourrir du gros nègre, hein, du gros nègre qui est déjà gros comme un sénateur. Ils en peuvent plus qu'ils sont gros, ces putains de nègres, et il faut encore leur foutre à bouffer le matin gratuitement, hein, à l'école. Pourtant, ils engraissent moins facilement, hein, parce que ils dépensent beaucoup de calories déjà par leur dispersion qui est bien connue, quoi. Ils sont tout le temps en train de gigoter, de danser, machin, donc ça brûle énormément de calories, tu vois pas beaucoup d'obèses. Et pourtant aux États-Unis, comme tu dis, ils sont totalement obèses, et en France c'est pareil, ils ont une tendance maintenant à prendre du gras, et tu vois vraiment que la République gaffe comme des oies. Ce qui me fascine dans le discours de France Info, bon, la radio communiste d'État, qui est aussi, je pense, à ce stade une radio communautaire, comment dire, quand ils expliquent, en fait, oui, en France... Il y a 2,8 millions d'enfants, machin, tu vois, 25%, tu vois. Tu sais, ils te décrivent un pays du tiers-monde, mais ils te le disent pas assez en ces termes. Et j'ai l'impression qu'en fait, qu'ils parlent de programmes alimentaires, tu vois, pour aller nourrir les nègres en Afrique, quoi. Ouais, j'ai presque l'impression d'être au catéchisme dans les années 90 et on nous parle de la Somalie. Ouais, voilà, tu vois, sauf que la Somalie, elle est un peu plus proche. Et déjà, il y a cette dimension-là, et on dit, ah non, les maires, il va falloir casquer, mais ce qui fait ton sur ton avec ce qu'a dit Moudin, que c'est dans la presse, j'ai pas cité l'article, mais c'était ça, Moudin, qui est l'appel des maires en question, où ils disent, il faut que l'État mette la main à la poche, il va falloir créer des nouveaux espaces d'accueil pour les réfugiés, disent-ils, hein. Et puis, en fait, ils disent aussi, ils laissent entendre qu'il faut que d'autres communes prennent le relais, quoi, hein, qu'il va falloir un petit peu étaler tout ça. Ouais, et j'ai un peu l'impression... Mais le truc qui me frappe, c'est qu'ils disent, ouais, mais ils n'ont pas d'argent. Mais attends, c'est impossible. Tous ces nègres sont pris en charge de A à Z, je veux dire. C'est impossible qu'ils aient pas de blé. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les bouteilles de champagne en boîte. Il y a un concept très, très important à comprendre avec le nègre, c'est que dès qu'il a du pognon, ça lui brûle les doigts. il doit absolument... en général, il va... Bon, tu vas dans un pays d'Afrique, le 3 ou le 4 du... Peut-être pas le 4, mais le 2 ou le 3 plutôt. Putain, c'est la fête partout. C'est-à-dire que les mecs qui touchent le salaire, ben, en 3 jours... le salaire, il part. Voilà. Donc, après, ça, c'est et le puis truc après, que... Attendez, Magda, vous voulez prendre la parole? Non, je voulais juste dire qu'effectivement, il y a beaucoup de pognon pour les écrans plats et pour toutes ces conneries. À un moment donné, il faut qu'on arrête de se foutre de la gueule des gens. En France, la bouffe coûte quand même pas très cher. Nourrir un gamin pour son petit-déj, ça coûte rien. Et t'as tout un tas de Français smicards qui donnent à manger à leur môme avant qu'ils aillent au collège. Faut juste arrêter de se foutre de la gueule du monde. Tu vois, tu prends un petit déj, ça coûte que dalle. C'est juste que c'est très connu, c'est que les négresses laissent leur môme en plan. Elles s'en occupent pas, ouais. ils vivotent. Et ça se passe comme ça, tu vois, on nous fait tous des plans de morale sur les Africains qui s'occupent de leurs parents. C'est une blague, c'est une farce. Je ne sais plus quel député avait dit ça. Dans les cités, dans les quartiers françaises, les petits négrillons, ils sont en roue libre. Je vous ferai observer, et je parle sous le contrôle, de Monsieur Asselineau, que cela fait progresser le PIB. Oui. Ouais, alors là, évidemment, vous êtes tous en train de déblatérer vos conneries racistes, mais n'empêche que, grâce à nos 150 000 négrillons qui vont pouvoir manger à leur faim, eh bien, la consommation va être dynamisée. Et je demande solennellement, alors j'espère qu'on m'entendra, à ce que les plats qui soient servis au petit déjeuner à nos négrillons soient des plats qui soient bio. J'insiste. Oui. Bah, c'est quand même le minimum, quoi. Enfin, on vous a pas empoisonné nos nègres, notre cheptel de nègres, hein, que nous espérons bien revendre un jour à des martiens ou des extraterrestres venus de du constellation lointaine, je ne sais pas. Alors moi je veux que ça se passe, voilà. Est-ce qu'on va peut-être se mettre à faire pousser du millet? Moi je pose. Oui. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. De la banane plantain sous serre, enfin bon, moi, je pense qu'il va falloir qu'on s'y mette. Hein. Chopons tout sur la chiasse, quoi. Allons-y. Quoi. Mais si je préviens à Célino que les nègres ne votent pas et qu'ils ont rien à foutre de ces conneries, vous croyez qu'il continuerait quand même? C'est-à-dire que son amour du nègre n'est pas uniquement électoraliste, il va au-delà. Non, mais il y a des moyens de faire monter le nègre. Macron vient de comprendre, tu vois, tu arrives, tu dis bonjour, gratuit. Manger gratuit, le nègre il comprend, tu vois, c'est deux trucs, si tu veux, ça s'actionne. Mais Macron te remplit le stade de France avec ça. Emmanuel ! Les Français vont payer ! Allez-y ! Il est là, il serait là. Ah, je l'imagine totalement en transe. Il dit, ah, Brigitte, regarde notre peuple ! Tu vois, ce serait... Bah, je le vois avec un bucket en train de distribuer, en train de jeter des ailes de poulet. Ah non, moi je la vois à l'américaine. À la foule en délire. Non, à l'américaine, télé-évangéliste et tout. Tenez, miracle de Dieu, etc. Il distribuerait, tu sais, des billets, des tickets de cinéma comme ça sur scène, tu sais, par poignée entière. Les négrillons seraient transfigurés, tu sais. Puis il ferait apparaître. Il y aurait un écran derrière, c'est un écran, puis il y aurait des espèces d'images assez suggestives, tu vois. Je sais pas, ça pourrait être une croix. Il donne pas de sales idées, hein, parce qu'il pourrait se mettre à utiliser tout ça. Ah, mais moi je serais. Non, mais là, drapeau bleu, blanc, rouge, tu vois, enfin, la communion nationale, quoi. Enfin, voilà, il faut rajouter un truc, je sais pas. Alors, le drapeau bleu, blanc, rouge, oui. Mais on pourrait voir la forme du continent africain. Oui. Et là, Macron, mais le... Putain, le dieu, quoi. Le sorcier blanc, quoi, tu vois. Ouais. Mais faut qu'ils fassent les choses en grand, parce que eux, ils aiment, comme tous les grands enfants, il faut leur vendre du rêve, quoi. Il faut qu'ils fassent ça à la Mobutu, là, qui rentre, qu'il arrive par hélicoptère... Oh, une grosse bagnole blindée, tu sais, avec des gros gardes SUV, du corps. Ouais, un truc ultra violent, tu sais, des mecs en Kalachnikov. Ouais, tu fous des négresses en plus qui font du twerk, et puis avec des bassines de KFC qui balancent du KFC dans la foule. Alors là, Jésus arrive, quoi. Là, bon, c'est Jean-Baptiste, hein, minimum. Ah oui. C'est Jean le Baptiste. Hein. Alors, du coup. Par contre, là, ceux qui nous ont écoutés se sont dit non, ça, ils font un peu tourner trop les cervelles là. Je veux croire que peut-être aux alentours des années 2040, ça sera le meeting élémentaire d'un homme politique français qui veut un peu se faire entendre par ses populations. Enfin, je dis ces populations, j'aurais pu te dire nos compatriotes, quoi. Oui, nos compatriotes. Tu vois bien qu'il y a un. Il y a un croisement en ce moment entre votants, en fait. Les historiques abstentionnistes qui étaient les Arabes, les Noirs, tout ça, aujourd'hui, rattrapés par tous les mouvements et tout, à l'anti-FNisme, tout ça, aujourd'hui, là, ils sont attrapés par le callback, par la juiverie, pour dire, allez, votez, les goys des sous-continents, votez contre vos maîtres blancs. Et puis, à l'inverse, les Blancs qui n'ont aucun représentant, si ce n'est cette grotesque Marine Le Pen, ben, ou le grotesque Asselineau, ben, eux se retirent du vote. Donc, ce que tu dis est évident. Quand tu dis 2040, en fait, ça va être déjà le cas. Là, ils vont être obligés de se tourner vers ces populations-là. Il n'y a plus de votants blancs. Les Blancs sont pas plus assez cons pour... Ah, tu vois, les Blancs... C'est vrai. L'abstentionnisme, c'est énorme. Ouais. Bah, là, sur les européennes, on va être sur du 50% d'abstention, je pense. Ouais, mais à la limite, bon, l'abstention, ça démontre que le truc est en déliquescence. OK. Mais au niveau du vote tribal, on va dire, on peut déjà, sans se mouiller, dire qu'il n'y aura plus jamais de... Enfin, avant chamboulement assez costaud, il n'y aura plus de président de ce qu'on appelle la droite. Puisque oui, ça la, c'est clair, bah oui. Voilà, tu as une polarisation, tu as le centre, enfin Macron a bouffé, a bouffé la gauche et le centre, ça sera de toute manière polarisé vers la gauche qui veut donner aux nègres à manger, hein, du gras, du poulet, ah oui, c'est le projet, là, du petit déj. Hein. Et de l'autre côté, tu auras l'espèce de machin qui soit Marine Le Pen, soit Marion Le Pen, soit Olympe Le Pen ou je ne sais quoi encore. De cette famille maudite et la caution voilà. Quoi pourquoi parce que les blancs c'est con de blancs excusez-moi de le dire seront divisés, c'est-à-dire que la moitié va voter pour le camp des nègres, des métèques et compagnie, et l'autre va voter bon en gros pour son camp. Mais bon, quand ça vote moitié, ben il y a pas de décision. La décision, ça vient de celui qui va voter massivement. Pardonne-moi l'expression, on appelle ça un faiseur de roi, un faiseur de roi nègre, vers Moudenc. Oui, vers Moudenc en l'occurrence, et bon, lui effectivement, bon, lui, c'était un républicain, mais bon, voilà, qui est vers la République du futur effectivement. les nègres et métèques en général, eux votent à 80, plus de 90% pour le même candidat. Plus de 90% à chaque fois, c'est systématique. Oui. Donc qu'il soit peu, et bon, ils vont voter de toute manière de plus en plus, et bien de toute manière, les blancs seront là à 51, 52 d'un côté, ben les autres, c'est eux qui vont faire la décision, c'est tout. Hein. Pour que les blancs puissent avoir un candidat qui leur est propre, il faudrait que au moins 60% d'entre eux soient... sur le même plan, sur le même candidat. Bon, c'est pas possible, ça n'est jamais arrivé depuis 50 ans, ça n'arrivera jamais. Donc c'est fini, c'est mort. Oubliez le vote gagner un poste avec le scrutin à deux tours, c'est mort, c'est fini. Voilà, après, ce sera autre chose. Être clair, c'est mort pour notre génération, mais à partir du moment où les gauchias ne vont pas se reproduire. Bon, il y a des white trash qui se reproduisent, qui sont des gauchias, hein, des punks à chiens et tout. Eux, des fois, ils font 2-3 gamins. Mais les bobos et tout ça ne se reproduisant pas, les lesbiennes PD, évidemment pas, hein, malgré qu'ils adaptent. Mais on a quand même une chance sur 15 ans. C'est-à-dire que dans 15 ans, on peut avoir un candidat qui représente les blancs qu'on aura éduqués nous, qu'on aura fait nous, mais bon, pour ça, il faut ça des... sera jamais du 60. Là, c'est le plan d'avoir des gamins, c'est un plan sur 15 ans, mais notre génération, de toute façon, nous, elle est née pour être programmée pour en chier. Notre génération et celle juste en dessous, là, c'est terminé, quoi. Il n'y a pas de... Non, mais au niveau institutionnel, c'est totalement fini. Pourquoi ? Mais regardez, l'éducation nationale, ne serait-ce que cette... qui est quand même un ministère stratégique, qui forme des générations entières. Bon, 80% de femmes qui sont des éponges à marxisme sociétal, je veux dire, toutes les thématiques sont reprises telles quelles par elles, je veux dire, les droits des minorités, l'antiracisme dogmatique, l'homosexualisme militant, en attendant les futures insanités qui vont venir d'Amérique, je veux dire, parce que bon, on va innover toujours plus dans ces trucs-là, jusqu'à basculer finalement dans la charia, parce que à un moment donné, on sera dans des communes, dans des départements qui sont tellement repeuplés de musulmans que là, bah, pour le coup, les programmes, ils sont écrits par les parents d'élèves musulmans. Ils diront voilà, on parle de ça, on parle pas de ça, on fait comme ci, on fait comme ça, la prière c'est à telle heure. Point barre, ça va se passer comme ça, on le sait. Donc ça, c'est juste ce ministère-là, mais quand vous êtes dans l'armée, on en a parlé très abondamment il y a deux émissions de ça. Bon, c'est pareil, c'est complètement rongé, c'est en train de se faire balkaniser racialement, ethniquement, religieusement. La police, on avait eu aussi un témoignage de quelqu'un qui avait fait l'école de police, bon, bah, on sait aussi. Donc quand vous regardez, quand vous passez, faites la revue de détail en fait, des institutions françaises, c'est déjà la balkanisation ethnique, c'est déjà... l'africanisation, l'islamisation, en sachant que ces gens-là, en plus, entre eux, se haïssent. En plus. C'est-à-dire que non seulement ils haïssent les Blancs, mais en plus, entre eux, ils importent leur guerre tribale, leur vieille revanche, c'est-à-dire par exemple, entre les Noirs chrétiens et les Arabes musulmans, ça va pas, ça n'ira jamais. Je pourrais multiplier les exemples de cette nature. Par exemple, les Asiatiques, bon, il y a quand même pratiquement 1 million d'Asiatiques en France, on les entend jamais, bon, ça c'est au moins l'avantage. Ouais, ils commencent à en chier de plus en plus. Bah, bien sûr, parce que tu vois, c'est des types, bon, globalement, en fait, les Asiatiques, ils ont quand même une éthique du travail, bon. On pense ce qu'on veut des Asiatiques, mais c'est quand même des gens qui veulent travailler. Alors, ils arrivent généralement clandestinement en France. Ils montent un petit boui-boui. La gamine est mise à l'école. Elle fait ses études d'un seul coup. Je veux dire, à la deuxième ou à la troisième génération, c'est des gens, si vous voulez, ils sont dans le niveau supérieur de la population, quoi. Bon, mais eux, ils sont ciblés. Et si vous regardez tout le paysage comme ça, de la balkanisation, le seul espace, en fait, où ce n'est pas encore ouvertement balkanisé, dans les médias ça l'est un peu, c'est dans l'espace politique. C'est-à-dire que dans l'espace politique, c'est encore la vieille république à papille, avec les élections cantonales, les élections régionales, le petit truc, le petit machin. Il n'y a pas encore de gros partis musulmans, il n'y en a pas besoin, parce qu'il y a le parti socialiste, les partis de la gauche, il y a Macron. Voilà. Donc en fait, dans la sphère politique pure, vous avez encore des bonhommes qui sont des balais à chiottes, ou des secrétaires, voilà, elles sortent des écoles, on ne sait pas d'où elles sortent, qui servent des discours à la con, lénifiants sur les valeurs de la République, la laïcité, non communautarisme, etc. Puis quand tu vas regarder leur gestion locale, tu te rends compte qu'en fait ils ont collectivement, laissé les clés à des islamistes, à des voilà, comme Moudinque, quoi. Moudinque, pourquoi Moudinque se déguise en roi nègre? Bah, c'est pour faire voter les nègres, hein. D'accord? Les nègres sont contents, ils disent, mais il est gentil, lui, il s'habille comme nous, là, les deux, là. Voilà. Et hop, ça fait voter, ils sont comme ça, voilà. Il est content, ensuite, il va aller dans un autre quartier, là, ça va être l'amicale algérienne de machin, où il va dire qu'en fait, peut-être, finalement, c'est dommage que le FLN n'ait pas assassiné à 7 soldats français, puis ensuite, il repasse dans un autre quartier, voilà, ainsi de suite. Chez les Juifs, il va dire, là, là, Israël, j'ai toujours été pour Israël, là, là, extraordinaire. Bon. C'est ça, la France. Mais j'ai l'impression Mais c'est que... pas visible. Au plan politique, encore. Vraiment, ça se voit, ça craquelle. Regardez l'Assemblée nationale, dans plusieurs partis. Regardez, chez Macron, combien d'Arabes, de Noirs, il a fait rentrer à l'Assemblée nationale, qui sont des mecs ultra revendicatifs. La France insoumise. Regardez comment ça évolue. On voit des noms qui sortent, ils nomment des conseillers spéciaux. Tout d'un coup, hop, Macron te sort un mec de sa poche, c'est un nègre ou un arabe de banlieue, tu vois. Mais t'as vu, c'est bizarre. Il y a très peu d'enthousiasme. Yes, bah parce qu'en fait, malgré tout, nos nègres et nos bougnoules sont un peu moins, je crois, débiles que les nègres américains. Parce que les nègres américains, tu leur as mis Obama, ils se sont tous rués dessus alors qu'il y avait 10 gros youtrons derrière en train de se frotter les mains avec la bave aux lèvres. Et eux, ils n'ont rien vu venir, quoi. Qu'en France, il n'y a aucune mobilisation. Si, la seule qu'on a eu un peu... C'est Taubira, c'était la seule, mais elle s'est décrédibilisée ces derniers temps, elle a été beaucoup trop loin dans le suçage de Youtron, et du coup, la banlieue n'a pas embrayé le pas. Et en fait, ils n'arrivent pas à trouver des figures qui arrivent à tellement mobiliser la banlieue qu'ils arrivent à aspirer 6, 10 millions de votants, en fait. Il n'y a aucun parti, pour l'instant, qui possède vraiment la banlieue à 100%, même le Parti Socialiste, avec toutes leurs propositions, n'y arrive pas, bah, parce qu'ils ont le mariage gay et tout ça, qui fait qu'en fait, ils démobilisent énormément d'Arabes et de Noirs, quoi. Donc, en réalité, c'est des tocards politiquement, parce que par rapport à leur volonté de détruire la France et par rapport à leur non-conscience du peuple qu'ils sont censés défendre et représenter, ces gens-là font de la merde. Moi, j'aurais leur esprit sadique et leur non-respect de la France, je serais plus performant qu'eux. Aujourd'hui, avec les masses que t'as à disposition, tu peux faire de l'anti-France, mais comme tu le faisais, comme tu le disais, là, avec le SUV et les ailes de poulet qui volent partout dans la foule, tu les mets en transe, on avait sur de la grosse musique, nègre, puis c'est bon, quoi. Avec des culs, faut leur mettre des culs et des seins, des nichons, quoi. Ça va arriver, ça, je vous le dis. Ça va arriver. La politique comme ça, c'est la politique tribale, comme en Afrique. Vous savez, en Afrique, c'est au niveau des ethniques que ça se passe, quoi. Et on aura ça, quoi. C'est-à-dire, ils vont arriver, bonjour, je suis vous. Mais Macron peut pas le faire. Enfin, il pourrait quand même aller très fortement dans cette direction. Mais en fait, comme il y a encore cette vieille France des boomers, et puis il y a encore quelques anciens, genre de 85 ans, vous savez, des mecs qui vont encore voter, quoi. Voilà. Bon, Il y a une retenue. Ils attendent que le gouverneur crève. Et après, ils passeront à cette politique que tu as évoquée. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même vu avec Macron, il nous a fait la fête de la musique à l'Elysée. Bon, là, il a mis carte sur table. Ah, oui, et puis là, il s'est fait engueuler, je pense. Et on lui dit non, il faut y aller un peu plus mollo quand même. Les trucs comme ça, il faut éviter, quoi. Voilà, dans 10 ans. Oui, t'as raison. En réalité, ils doivent être plus savants que ce que je disais. Et en réalité, ils sont sur un calcul très, très, très, très scientifique entre les boomers et les négros bougnes. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas trop aller trop loin dans la négrophilie et dans la bougnolophilie tant que les boomers sont encore là. Parce que les boomers acceptent, tu vois, ils veulent leur bon bougnoul, ils veulent leur Omar Sy, machin, mais ils veulent pas non plus, ils veulent pas ce que tu viens de décrire, là, tu vois, le truc tribal avec les gardes armés et tout, ça leur parle pas du tout aux boomers, tu vois. Donc, avant de passer à cette politique complètement africaine, il va d'abord falloir que les boomers crèvent, quoi. Mais après, quand il n'y aura plus que nous sur la liste, là, bah, nous, c'est terminé. Après, c'est la guerre déclarée, quoi. Après, ils mettront nos photos. C'est bon, quoi. Ce sera terminé, quoi. On sera wanted. C'est simple, hein. T'auras des meetings, vraiment. Enfin, parce qu'après, ils recruteront aussi des mecs. Mais comme fait... Regardez Macron. Pour sa sécurité personnelle, il a pris un mec comme Benalla, par exemple. Mais pour porter la bonne parole, il a recruté un mec comme... comment il s'appelle cet humoriste ? Bellatar. Bellatar, c'était le monsieur banlieue, tu vois, l'arabe, le marocain, tu vois, ultra louche, tu vois. Et Macron a compris ça. Il a compris que, si tu veux, non, t'auras pas un mec blanc en costard-cravate qui va pouvoir négocier avec la banlieue. Non. Il va falloir des mecs qui viennent de ces milieux-là, qui ont de l'entre-gens, qui ont des connexions... qui ont du réseau, là tu arrives très vite sur des gouvernements étrangers, fatalement, et tu arrives dans des embrouilles politiques dont tu ne sors plus, en fait, parce que tu donnes un truc aux Marocains, t'as les Algériens qui se mettent à criser, t'as les Turcs qui arrivent, là-dessus tu mets la religion, parce qu'un tel il est de tel courant, l'autre il est pas tel courant, etc., tu mets les histoires de fesses des uns et des autres, tu rajoutes les nègres par-dessus, il y a quand même les blancs, il faut faire attention, parce qu'ils pourraient ne pas voter, pas voter dans le bon sens. Ça devient vraiment, comment dirais-je, de la composition chimique. Mais pas chimique, elle est ethnique, quoi, on se comprend, quoi. Il faut mettre un peu de ci, un peu de ça. Mais une fois qu'on va basculer dans le truc, vraiment, enfin, quand les boomers seront hors-jeu, donc déjà, le rapport de force démographique, il sera pas le même. Et là, toute inhibition va disparaître de la part des politiciens. Ils vont démarcher des rappeurs. Ils vont carrément prendre des rappeurs. Voilà, mec. Exactement. Voilà, les mecs vont faire des gros concerts et tout. Ouais, big up, faut voter pour... Ah, Yannick Noah, voilà. Quoi. Ouais, voilà, on aura les nouveaux rappeurs. Ce sera des rappeurs avec des putes qui dansent à leur côté. Voilà, du gros twerk, des grosses putes et tout comme ça. Mais Stade de France, ça des trucs... live et tout, ça va, bien sûr, parce que les mecs, les pros de la com, qui font aujourd'hui des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de vues sur YouTube, etc., avec tous ces groupes, ça va déborder sur la politique, c'est fatal. Les mecs vont dire, ça marche dans le showbiz, ça marchera dans la politique, et on va faire voter ces gens-là, tu vois. Voilà. Donc, et alors, par contre, les blancs, face à ça, je parle des jeunes, quoi. Des jeunes générations, on va dire, ou les actifs, quoi. Ceux qui ne seront pas... ils auront quoi pour eux? Vous comprenez? Il n'y a pas de formule politique qui est prête. Il n'y a même pas de début d'articulation d'une... Je ne sais pas comment formuler ça, mais on va dire. Il n'y a même pas le début d'une prise de conscience de ce qui arrive. Oui. Au plan racial. Alors, enfin, dernier point de cette émission... Bah, c'est toujours sur le même thème. Hein. C'est l'université de Metz. Vous avez suivi ça. Ça se passe... c'est des étudiantes de L2, sociologie. C'est drôle, d'ailleurs. Qui ont été, en fait, dénoncées par des nègres et des négresses. Des Africains, hein, en gros. Hein, en échange étudiant, quoi. Échange définitif, à mon avis. Parce qu'elle critiquait sur Facebook, entre elles, sur un groupe perso, ce qu'elle pensait de cette invasion, hein, de cafres dans leur fac de Metz, quoi, hein, en Lorraine, quoi. Échangée par certains de leurs camarades en licence de sociologie à Metz. Ils nous prenaient, nous, les Noirs, en photo. et genre mettez les photos dans le groupe en nous traitant de singes comme vous voyez, en mettant des emojis. Ils m'ont traité de noir et non, de gros singe, c'est inadmissible. Ils te déversent toutes leurs haines alors que tu ne leur as rien fait. Même si ces insultes ne seraient le fait que de deux ou trois personnes, pour les étudiants étrangers, elles sont l'illustration d'un racisme ordinaire à l'université. Si on arrive à un point où réellement tu as peur de prendre la parole pour ne pas qu'on se moque de ton accent, ou que tu as peur de t'approcher de quelqu'un pour ne pas qu'on t'asperge de parfum, c'est que réellement tu ressens un mal. Certes, il y a des actes racistes de partout, mais que ça vienne des étudiants de sociologie, c'est ce qui est vraiment choquant dans l'histoire. L'injure raciale, elle est condamnée par la loi. Il faut que justice soit faite. L'université de Lorraine s'est simplement exprimée pour l'instant par un communiqué pour condamner les faits en promettant une enquête interne. Pour le principal syndicat étudiant, il n'y a pas assez d'actions de prévention contre le racisme. Il y a un psychologue qui est en charge d'accompagner les victimes qui ont subi des discriminations pour 60 000 étudiants. Les campagnes, c'est les syndicats qui sont obligés de les mener. L'université en fait très peu. Les étudiants étrangers de Metz vont porter plainte en début de semaine. Ils annoncent aussi un rassemblement devant leur faculté mardi prochain. Donc on est à Metz, vous l'avez compris, hein, voilà, vous avez des nègres qui gênent. Alors pour le sujet de TF1, ils sont un petit peu plus coulants, hein, ils essayent d'adopter une attitude qui leur paraisse insusceptible d'attirer la sympathie, mais sur Twitter, en fait, la négresse que vous avez entendue se fait appeler Yaya, hein, c'est son petit surnom. Elle est quand même beaucoup, beaucoup plus vindicative à l'égard de ces trois Françaises, hein, qui partageaient en fait leurs sentiments sur Facebook. En privé, hein, j'entends, hein, c'était pas un groupe public, c'était un groupe entre elles, et il y a eu une fuite, en fait, hein, et donc ça a été diffusé. Alors, le premier tweet qui a de Yaya, donc de cette négresse que vous avez entendu, a fait je ne sais pas combien de dizaines de milliers de retweets. Pratiquement toute l'Afrique francophone s'est mobilisée, les nègres, mais voilà, c'est la chasse à la blanche. La chasse à la blanche via Twitter. Et vous aviez des contenus audio où, en fait, il y avait le témoignage de la négresse qui expliquait ses déboires sur un ton, hein, déjà assez vindicatif. Mais alors, voici ce qu'elle écrivait sur son compte Twitter. Alors, je le répète, la violence ne sert à rien, hein. Notre but est d'obtenir le renvoi de ces personnes, obtenir une sanction disciplinaire et des excuses publiques. On souhaiterait aussi qu'elles ne puissent pas passer leurs examens la semaine prochaine. Restons unis et intelligents. Ça, c'est premier message sur Twitter. Voilà. Mise à jour. Merci pour vos retweets. Nous avons contacté le responsable du département et des ONG. Vous verrez lesquelles. Ainsi qu'un membre de la Fédération étudiante de Lorraine qui a un rendez-vous avec la vice-présidente de l'université. Elle est aussi membre de la commission disciplinaire de l'université. Mise à jour. Grosse nouvelle! Une mesure disciplinaire est en cours et le nécessaire est en train d'être fait. La présidence de l'université est au courant et ils sont en train d'agir. Elle continue. L'université de Lorraine s'est exprimée. Merci, c'est grâce à vous. Et enfin... On va faire remonter tout ça au directeur. On veut leur renvoi avant leur partiel pour qu'elles ne puissent pas valider leur année. Voilà, ça c'est le ton sur Twitter. Alors il y avait eu aussi une vidéo de ces nègres dans laquelle en fait ils publiaient leur réaction. Mais bon, vous avez eu là un condensé de toute façon avant que je. Enfin voilà, un petit extrait de TF1 hein, qui s'est présenté. Enfin, la chaîne de la droite réactionnaire s'est précipitée à Metz pour. Tendre le micro à ces négresses, hein, si rares dans nos universités, nos auditeurs en font souvent le témoignage, dans leur courrier qu'ils nous adressent. Bref. Alors, la chasse à la blanche. Ça y est, c'est la chasse à la blanche. Des milliers et des milliers. Leur seule carte, c'était justement d'avoir les blanches dans leur poche. S'ils se mettent à chasser la blanche, bon courage à cette association de sauvages, de sauvageons. Enfin, sauvageons, ils sont pas si petits que ça. C'est des beaux bestiaux. C'est, c'est, ces espèces d'illuminés là, ils sont complètement gorillesques, quoi. C'est vraiment. Ouais, enfin, pour être illuminé, c'est vrai qu'il faudrait qu'ils soient sortis un jour de la pénombre. Enfin, je te rappelle que nous avons affaire à des nègres, en l'occurrence. Ah là oui, ils disent on ressemble à des singes. Qu'est-ce que t'en penses, Eric? On voit les gueules, alors nos auditeurs peuvent pas les voir, les têtes, mais dans le reportage, on voit les gueules. Les Chinois sont en train de faire des petites expérimentations pour augmenter le QI des singes, des vrais pour le coup. Bon, je pense que les nègres ont un souci à se faire. Hein. la différence de QI entre les deux étant assez infime, hein, somme toute. On est en passe de voir d'ici quelques années, je pense, des singes améliorés venir exterminer les nègres en Afrique. C'est quelque chose à se faire. Ils ont commencé ces travaux à force de conquérir l'Afrique, ils se rendent compte que là-bas il y a un vrai problème de main d'œuvre. Ils arrivent à rien. Ils ont croisé des singes, ils ont vu que ça se ressemblait, ils se sont dit bon bah banco quoi. On va leur foutre quelques synapses en plus et puis. Alors je pense que ce sera mieux. Mais là pour le coup tu sens la. Bon, tu sens que le... Il y a un petit tir de Rwanda dans tout ce qui se passe, là, c'est... Oui, voilà, ils ont envie de sang, quoi, ça leur manque. Ils ont les machettes, là, qui sont pas très loin, hein, quand même. Hein. Oui. Les trois nanas, là, c'est pas en petite, pour le coup. Il y a une tripotée de nègres, là, qui a envie de les découper en morceaux, hein, c'est... Enfin, c'est... Alors... Ça nous paraît quand même bizarre. Nous-mêmes, bon, nous, enfin bon, moi les juifs, les nègres et compagnie, bon, je peux pas. Mais alors, tu vois, eux, si tu veux, tu sens qu'ils ont envie de mettre les mains dans les entrailles, tu vois, pour venir manger dedans, tu vois, parce que c'est comme ça que ça se passe chez eux. C'est particulier. Alors, on apprend au passage que la France s'honore de former des nègres importés d'Afrique à la sociologie, c'est-à-dire en fait au marxisme. Bon, alors marxisme étant dans les facs de sociologie ce qu'il est, à savoir, la haine de la race blanche dogmatique. Payé par ces connards de blancs, hein. Une fois. Bon, des profs touchent des sommes folles. Des nègres qui sont pris en charge de A à Z. On a déjà eu plusieurs témoignages d'auditeurs qui nous contaient les aventures des nègres faisant de la cuisine dans les parties communes et déclenchant les détecteurs de fumée pour incendie. Enfin, bon, ce sont des sauvages au sens propre. Ce sont des animaux, hein, des animaux sauvages. Et qui, en plus de leur sauvagerie, sont assoiffés de sang blanc. Ils ont cette soif de sang-là qui leur a été transmise par leur maître juif. Ça grandit en plus, hein, j'ai l'impression. Là, ils sont dans une phase, c'est comme à un moment donné, le vampire, c'est quand il faut qu'il voit quelques gouttes de sang, comme dans le TD Twister, Salma Hayek, il faut qu'il y ait 2-3 gouttes de sang avant qu'elle se transforme, quoi. Bah, le négro, c'est pareil. Là, j'ai l'impression qu'il y a 2-3 trucs qui l'ont fait vriller ces derniers temps. La domestication marc-georgienne a été complètement anéantie en quelques années. Là, on a un retour du nègre sauvage, vraiment, dans ses premières expressions. Il y a le même phénomène aux États-Unis, mais puisque Astérix, tu t'interroges, mais à quoi est-ce dû? Derek met le doigt dessus en disant... je crois que c'est Derek qui a dit ça, mais c'est peut-être toi aussi que les Juifs ont fanatisé les nègres, enfin ont libéré, désinhibé totalement la sauvagerie du nègre et son appétit, son goût du sang blanc. Bien sûr. Écoutez, je vous livre la réaction de la LICRA qui, dans l'heure, hein, s'est immédiatement saisie de l'affaire. Informé aujourd'hui de cette affaire qui implique des étudiants de l'Université de Lorraine, les faits sont graves et appellent des sanctions exemplaires. L'université doit être un espace dédié à la connaissance et à la tolérance. La connaissance pour les nègres. Le racisme n'y a pas sa place, donc dit, ce porte-parole du gouvernement israélien. Donc vraiment, alors ça me fait un peu marrer parce que la LICRA est très occupée ces derniers jours. Et très très très agressive d'ailleurs, puisque c'est juif, puisque... Pour ceux qui ne le sauraient pas, la LICRA est une organisation juive. sont aussi occupés à courir derrière Alain Soral. Enfin, bon, ils ont des fers aux quatre feux. Non, ils ont quatre fers au feu, pardonnez-moi. Ils ont quatre fers au feu, un peu occupés. Mais enfin bon, quand même, il y a assez de temps pour rentrer dans le jeu et participer hein, de l'excitation médiatique contre ces trois pauvres gamines françaises, en fait, qui se sont retrouvées en sociologie et qui ont fait de la sociologie pratique, pour le coup, hein, sociologie de terrain, comme dirait l'autre, en observant que, effectivement, les nègres au quotidien, puent, gueulent, sont feignants, foutent la merde, coûtent une fortune aux contribuables. Bon, elles ont constaté tout ça elles-mêmes. Pour le coup, ça a été des études de sociologie très intéressantes et pertinentes. Et voilà, donc on excite à la haine, tous les médias sont rentrés dans le bal. Bon, c'est d'ailleurs des études qui nous intéressent, hein, faut leur préciser. Oui, probablement les seules qui auront une valeur quelconque pour la suite. Voilà, donc en plus, ça c'est. Alors, pour le coup, ça c'était elles ont fait leurs observations qui sont, comme je l'ai dit pour le coup, de la sociologie, de l'ethnologie, qui peuvent avoir une certaine valeur scientifique, mais elles ne sont pas retenues. En revanche, il y a aussi une autre leçon de sociologie appliquée, il y a la théorie, c'est la haine du blanc dans les cours de sociologie de gauche, donc enseignée aux nègres, et ensuite l'application, ensuite c'est la traque à la blanche. Voilà. Donc voilà, bon, ça me semble assez cohérent, avec évidemment l'aide de Shlomo, mais sur ces entrefaites, je vais quand même citer... Le truc, hein, c'est l'intervention de la Ligue de Défense Noire africaine, hein, donc des nègres quand même assez connus maintenant. Ils sont pas très nombreux, mais ils sont connus, ils sont très actifs. Hein. Ils n'ont pas d'ennuis avec la police, ils n'ont pas beaucoup d'ennuis avec les médias. Ils ont fait savoir d'ailleurs qu'ils condamnaient l'antisémitisme. Ils ont aussi fait savoir qu'ils étaient disposés à travailler avec la Ligue de Défense Juive. Et que les Noirs africains, ils avaient souligné ça aussi, devaient arrêter de se mêler de ces histoires d'antisémitisme. Voilà. Donc il fallait pas qu'ils s'occupent de la guerre en Libye, chute de Kadhafi, pourquoi il y a des nègres qui sont vendus sur des marchés d'esclaves, tout ça. Fallait pas trop regarder dans cette direction-là. Fallait plutôt s'occuper donc de Metz. Et donc ils seront mardi à Metz pour appeler aux représailles raciales. Bon. Je note, excuse-moi Gandalf, petite oui. Précision pour ceux qui veulent aller vérifier d'ailleurs. Si vous allez sur le Facebook de la Ligue de Défense Nord-Africaine, vous verrez des appels au meurtre qui sont même pas camouflés. Quoi. C'est pas l'interprétation de ma part. C'est t'as pas des appels au lynchage. T'as pas des petits exemples? Non, mais attends, ça. Je peux t'en trouver ça. Hein. Ah ouais, moi je suis preneur en mode ça. Ouais, ça prend un petit moment. À quelle sauce ils vont nous manger? Le voilà. Problème, c'est non, mais pendant que Pierrot il est parti, d'autres personnes peuvent reprendre. MacDav, tiens, je t'ai pas entendu, MacDav. MacDav. Metz, la Lorraine. Ouais, j'aime bien l'Est de la France, mais j'aime pas les nègres. C'est tout ce que j'ai envie de dire, quoi. Moi, je n'ai pas un vrai français, MacDav. Oui. Bah, disons qu'ils sont français que moi. Voilà. Bien sûr. Effectivement. Moi, je gardais un bon souvenir de Metz. Moi, je trouvais que c'était une belle ville. Ouais, il y a un bon potentiel. Hein. Moi, j'aime beaucoup les. C'est moins glauque que Mulhouse, pardon. Oui, j'aime les Lorrains. Enfin, je les connais beaucoup mieux que les gens du Sud-Ouest. Mais que dire, enfin, déjà, c'est une fac poubelle. Tout le monde le sait. Putain, mais des nègres sociologues. Lilian Thuram, quoi. Je suis. Bon, ici, tu vois, je suis quand même. C'était quand même quelques années qu'on fait l'émission, je suis un peu au courant de tout. Mais alors, si tu veux, quand on me présente du nègre sociologue en Lorraine, ça fait quand même beaucoup pour moi. Bah, c'est les magies de la République, MacDav. Ouais, des trucs. Ouais, moi, je voulais quand même faire une petite observation. Si vous voulez. Oui, mais je voulais juste dire un truc. Vas-y. Ça valait le coup de faire deux guerres mondiales pour conserver la Lorraine. c'est exactement ce que j'allais dire. On est content d'avoir récupéré la Lorraine, la Moselle. Hein, dire qu'on s'est battu pour ça, combien de. Alors je peux citer, je vais citer Asselineau justement pour. Sale boche. Oui. Ouais, c'est ça. Citation que partage aussi Pierre-Yves Rouge et Con. Ouais, oui. Rouge et rond, hein, tout simplement. Rond. Oui, non, oui, mais enfin. En trois mots. Imagine, tu donnes à des nègres qui, à mon avis, savent à peine écrire un diplôme, une licence de sociologie, où ils vont faire du verbiage marxiste pour pouvoir, parce qu'à mon avis, on va leur filer des postes, hein, parce que beaucoup de gens disent oui, ils vont finir au McDo. Ouais, j'en suis pas certain. Ils vont finir employés de mairie ou employés au conseil général de Moselle. Enfin, tu vas leur trouver des postes comme ça. Alors, attends, puisqu'on est dans la prospective professionnelle, permets-moi de faire une suggestion. On est en Lorraine, on n'est pas très loin de l'Alsace. Je connais un petit village en Alsace qui serait très content de trouver, un spécialiste du dialogue interculturel au quotidien, avec des Soudanais, des Tchétchènes. Je sais qu'il y a de la demande. Donc, tu vois, on y est, va falloir démarcher ces braves Africains pour inculquer un peu les valeurs de la République au nouveau public français. C'est même pire que ça, si tu veux. C'est que tu as maintenant des cursus universitaires qui sont spécialisés dans le... ce sont des caporaux, des agents de la police politique. C'est-à-dire que tu as des grosses entreprises sont contraintes par la loi déjà d'une part à des trucs, les discriminations, etc. etc. Mmh. Et tu as ces grosses boîtes qui imposent à toutes les petites boîtes qui bossent avec eux des normes socio-environnementales de mon cul, etc. etc. Mmh. Et donc tu as des master 2, hein, donc des bac plus 5. En éthique appliquée à la relation sociale et environnementale. Oui, mais ça existe. Ça existe. Ah ben bien sûr, oui, ça existe. Ah c'est, oui, c'est, ben je... c'est souvent occupé par des espèces de bougnoules socialisées, ce que tu veux. Ça bosse dans la RH et ça fait la police politique pour te ventiler du nègre en veux-tu en voilà. Ben, ouais, tout à fait. Ça, bah... c'est déjà. On en est au premier. Tu vas me parler sur un autre temps. Tu vas me parler différemment. On en est au départ de ça. Ça existe déjà dans les grosses boîtes. Ceux qui bossent là-dedans déjà maintenant ont déjà dû le voir arriver. Mais c'est appelé à se généraliser. Hein. Bon, du petit déjeuner du nègre jusqu'à l'intégration du nègre par la force dans le marché du travail, vous en boufferez. Du matin au soir. Tout à fait. Bah, tu sais, dans chaque boîte, à partir d'une certaine taille, tu as un responsable, sécurité environnement. Il y a quelques années, ce type de poste, ça n'existait pas. Maintenant, c'est obligatoire. Eh oui. Alors, c'est pas forcément des emplois fictifs, parce que les mecs ont quand même, doivent quand même gérer certaines choses, puis les normes environnementales, elles ont quand même changé. Mais moi, je ne serais pas étonné que dans le droit français, à partir d'une certaine taille, d'un certain nombre de salariés, ce genre de poste devienne obligatoire. Alors pour l'instant, ça l'est uniquement vraiment des très grosses boîtes, vraiment de tertiaire, où on te recycle de la bourgeoise, quoi. On te recycle de la petite fille bourgeoise avec un bullshit job. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va devenir obligatoire pour des boîtes qui sont qui sont dans l'industrie ou dans la transformation d'asperges, tout ce que tu veux à partir de 200 salariés. Comment se fait-il que j'ai tout de suite en tête le visage d'une certaine Samira avec un voile? C'est bizarre. Samira avec un voile ou Mamadou qui débarque du Congo et qui va te prendre d'eau parce qu'il a un master de sociologie et que toi, après ton bac et puis t'as fait un BTS en alternance. Non mais rigole pas, imagine. Non, mais ça existe, ça existe déjà. On file à ces nègres, mais des postes pour eux, si tu veux, c'est comme si tu leur filais une couronne, tu vois. Ah, oui. C'est comme si tu leur filais un sceptre. Et ils se disent, je vais dominer le blanc avec mon verbiage marxiste. C'est du Eddie Malou, version tribale, enfin du Eddie Malou en France, quoi. Alors déjà que les nègres sont volubiles, mais alors quand tu leur donnes des diplômes en sociologie, j'ose pas imaginer, quoi. Alors Pierrot, tu es allé à la pêche pour nous. Ouais, alors ça dure 2 minutes, hein, chacun peut faire le micro au pif. Hein. Alors, on va commencer par JP Cerno, hein, qui pourquoi vous les défendez prends pour des victimes. T'as plein de œil pour œil, dent pour dent, c'est des trucs qui répètent comme ça. Ouais. C'est compliqué de dire les blas, parce que c'est imprononçable. Il y a Botica Locuta. Il faut un traitement de choc contre le racisme. Il faut qu'on leur pète la gueule, etc. Shafi Mouedouim Shafena. Putain, c'est quoi ça? Putain, ils ont des noms de meubles Ikea, c'est con. Alors, c'est le bois Ikea, ça. Il est temps de changer d'être blanc-phobe aussi. Black, il est temps de massacrer tous les blancs que tu trouves dans ton chemin. voilà. Alors, si vous avez un réseau social... Redis-moi l'auteur de celui-là. Il s'appelle Shafi Mouedouim Shafena. Voilà. D'accord, et il dit il faut massacrer tous les blancs qu'on trouve sur son chemin. Tout à fait, voilà. Donc si vous marquez un truc similaire sur Facebook, ne serait-ce que 1% de ceci, c'est bon. Hein. Oui, voilà. Là, oui. Vous allez... Alors je vais observer, c'est probablement du second degré, c'est plutôt une espèce de formule poétique, un petit peu comme ce clip de rap qui s'appelait Pendez les Blancs, qui en fait était un appel à la tolérance. Hein. C'est d'ailleurs ce qui a été... Oui, oui, oui. Non, mais c'est comme ça que ça avait été défendu, l'avocate l'avait défendu, et puis il y avait une très grande indulgence de la part du tribunal qui avait quand même fait comprendre que oui, bon, ça pouvait être un peu choquant, bon, voilà, mais enfin, ce serait quand même, comment dirais-je, je crois qu'il a eu 5 000 euros d'amende avec sursis. Avec sursis. Oui, et un stage voilà. Poney aussi. Oui. Voilà. Et puis un ça, c'est uniquement ce qui se, enfin, ce qu'on peut entendre en français, en public. Oui. Parce que vous avez les chips. Parce que les chips, bon, vous savez, hein, les étudiants, enfin, maintenant même les collégiens blancs se mettent à chipper. Ben voilà, il y a des Ah, y a des claques qui se perdent. Hein. Ouais, enfin, c'est plus des claques là. Des coups de poing. C'est de la rééducation. Des poutres. Ouais. Imaginez ce que ces nègres se disent en privé et imaginez ce qu'ils peuvent dire dans leur langage d'Afrique. Et ça doit être. C'est pas uniquement du sale babtou, hein. C'est. Ça va, unique. Ça va très très loin. Et puis pour eux, ils sont pas dans, si vous voulez, le logiciel de combattre le racisme. Pour eux, ça leur est totalement étranger. Ce qu'il faut comprendre, c'est, encore une fois, faut le marteler, mais être antiraciste, pour eux, c'est être anti-blanc. C'est ça, prendre la revanche sur le blanc. C'est ça, c'est uniquement ça. Le racisme, ils s'en secouent. Mais totalement. Et la preuve, je veux dire, même entre eux, entre ethnies, ils se découpent. Ils s'insultent. Et la fameuse négresse, là, dont on a parlé, partageait un montage où elle se foutait assez gentiment, enfin, au moins aussi gentiment que les étudiantes en sociologie l'ont fait, des ethnies négresses, hein, de toutes les ethnies nègres. Parce qu'évidemment, ils s'insultent également entre eux de singes. Hein. Faut pas le croire, ils s'insultent de singes entre eux toute la journée. Bien sûr, il y a des grosses hiérarchies. Ah non, mais attention, t'as des tribus de seigneurs, hein. T'as des tribus qui ont une certaine classe, pareil. Et puis t'as des tribus t'as des tribus qui sont entre le cafard et le suricate, quoi. Hein, Ouais, tu penses au Yoruba quand tu dis les guerriers africains extrêmement dangereux du Nigeria, là. Ouais, c'est aussi cannibale, les Yoruba. Oui, oui, ça c'est plutôt une qualité en Afrique. Hein. Ouais, ouais, ouais, bah voilà, ouais, c'est ça en fait. C'est des gentlemen africains, quoi. Ça c'est le haut du panier, ça. Ils te bouffent le cœur. C'est ça en fait. Oui, là il y a un très beau, très très beau. Enfin, il y a pas mal de reportages là-dessus, mais sur les généraux cannibales du Liberia, je recommande. Voyage garanti dans la culture africaine. Classe. Hein, c'est... Alors par contre, si vous êtes sensible et que vous avez un problème avec le fait de voir des nègres dévorer le cœur encore sanglant d'un ennemi du village, vous allez peut-être un petit peu avoir de mal à visionner. Mais enfin, et c'est sur YouTube, hein, c'est pas censuré. Hein. Bah, je vais livrer un petit peu de fantastique. Vas-y, Eric. Ah, vas-y. Ouais. Non, vas-y. J'ai juste dû dire, c'était... Il faut s'habituer aux us et coutumes de nos futurs compatriotes. Donc bon... Cette semaine, on a diffusé une vidéo qui vient du Soudan. Oui. Oui, voilà. C'est... Ou alors, non, mais il faut quand même. Je pense que nos auditeurs, enfin une partie de nos auditeurs l'ont vue. Je la recommande. Référez-vous au site democratieparticipative.club, section vidéo. Vous allez la trouver tout de suite. C'est au Soudan où en fait vous avez, comment dirais-je, donc des kémites, hein, qui sont des militants panafricains antiracistes, qui attrapent un nègre et donc qui ont déjà, si vous voulez, découpé. à la jointure des articulations des jambes et des bras, si vous voulez, la peau, les ligaments, etc. Et dans la vidéo, ils sont occupés, si vous voulez, à arracher le bras du mec qui est encore vivant. Alors, il faut voir ça, la lame et tout. Ah, c'est... Non, c'est... Ah, c'est vivifiant. Bon, ça, c'est Soudan. Ça, c'est, bon, c'est Soudan. C'est non, Soudan, c'est, ça. Hein. C'est quotidien. C'est quotidien. Au Soudan, les Nord-Soudanais découpent du Sud-Soudanais à et la machette ça. Très, très quotidiennement. Hein. C'est pas un truc isolé. Non, non, c'est leur quotidien. Moi, je juge pas. Hein. Alors là, je juge pas. Hein. J'admets les différences culturelles. Simplement, je voulais simplement faire observer d'abord que ces gens, enfin, ces Français, vont par nécessité apporter leur culture avec eux, qui vont l'intégrer, qui vont donc découper des gens régulièrement. Et que, bon, visiblement, entre eux, c'est la façon dont ils se parlent, mais que quand même, quand un blanc dit un mot de travers, ça passe moins bien. Et on a les juifs pour prendre un peu le relais, pour faire le forcing. Donc voilà, ça crée une bonne ambiance. C'est très gentil. Le N-word n'a même pas été utilisé. Ben, imagine un petit peu s'il tombait sur démocratie participative. Oui, ouais, je vous invite à écouter l'émission d'ailleurs. Ils en apprendront beaucoup sur leur race. Peut-être que certains nous écoutent. Peut-être. Ouais, tu prêtes, je pense, un petit peu trop de. Un peu trop d'esprit au nègre. Oui, non, ils en sont incapables. Hein. Mais quand t'as dit, Gandalf, que le cannibale c'était le haut du panier, malheureusement, tu dis vrai parce qu'en fait. Là, il faut penser tout de suite à leur technique, à leur tradition qui est absolument abominable, leur espèce de tradition vaudou qui est bourrée de sacrifices humains, de sacrifices. Et là, effectivement, le problème, c'est que il semblerait qu'ils arrivent à travailler avec des démons, ces enfoirés de négros, parce qu'ils arrivent à la fin à dominer leur tribu, quoi. C'est-à-dire que les mecs, plus les mecs mangent de cœur, mangent de placenta de gamin et tout, plus ils dominent la société, quoi. Et c'est prouvé que là-bas, il y a un truc... tu vois, on pourrait croire que c'est l'inverse. Une société qui mange des placentas de gamins, moi, je crois malheureusement que c'est l'inverse. C'est parce qu'ils pratiquent le vaudou et que ces enfoirés ont un pouvoir sombre sur les leurs qui domine en fait leurs ethnies, quoi, parce qu'ils ont ils font des trucs en fait le vaudou lui c'est un marchand de tu sais il traficote l'intention la tu sais il trafique enfin c'est un sorcier sauf que il vend sa sorcellerie quoi au plus offrant tu lui ramènes 3 bananes il te flingue il te file un cancer à un gamin et tout enfin et apparemment beaucoup de blancs alors moi je suis tenté de croire que tout ça sont des sornettes de nègres mais énormément de blancs y attribuent un crédit incroyable juste à Papy et tout ça qui bon quelqu'un veut-il rajouter quelque chose ou on se termine sur cette belle touche de guerre raciale totale à Metz de chasse à la blanche sur fond donc de sociologie ultra raciste nègre. Sociologie républicaine. Oui, en résumé, c'est ça, oui, donc de ce projet républicain. Non, rien de spécial. Bon, à ce moment-là, on va se quitter. Je vous dis à la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.